Non, non, Gaétan, il ne faut pas avoir peur de les appeler, ces gens-là. Ces gens, j'ai dit. Ces gens, OK. Ces gens-là, parce que ben, notre opinion doit compter. Alors, est-ce que tu veux nous composer un numéro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ça sonne. Bisous, ta sonnerie. Oh, c'est analogique. Comment ça, il y a encore un fil là-dessus? Oh. Si on coupe le fil, on n'aura plus de... Bon. Ça sonne, mais ça répond pas. Oh! Hello? Bonjour, ma chère dame. Vous êtes à Errance Rénaldienne, à CKRL, l'émission qui éclaire toute la station. Et puis, pardon, ils ne peuvent pas dire rien contre. C'est moi qui viens de le mentionner, madame. Ben, c'est KRL. 89,1. Mais quand vous le dites, vous dites 89,1. Ben, mais ça, c'est un métier. Là. Vous êtes là pour répondre au téléphone. Vous le faites très bien. Moi, je vous appelle concernant le code de la route, ma chère dame. Moi. Vous voulez me faire patienter? Non, je suis très impatient. Vous devriez pas. Sinon, je me présente. Puis quand je me présente, je suis pas très beau, vous allez avoir peur. Et oui, d'accord. Mais faites-moi pas patienter. Merci. Non. Hey, c'est bien beau, là, prendre les individus comme des moins que rien, mais ça manque de respect, ma chère. Je suis pas. Au début, j'étais quand même neutre, là. Hein? Je vois que c'est de votre côté, ma chère. D'accord. Non, je reste calme. Je ne patienterai pas. Alors, c'est concernant le code de la route. Bon, là, c'est sûr que pendant l'été, hein, printemps, été, automne, l'hiver beaucoup moins, on voit beaucoup de personnes en scooter électrique, en moto électrique, et puis en... Oui, ben... Triporteur, ouais, mais moi, j'ai rien contre le triporteur, j'ai rien contre le scooter électrique et j'ai rien contre la mobylette électrique. Bon, là où le bas blesse, ma chère dame, si on peut exprimer ainsi ma pensée, est-ce que j'ai le droit, hein, d'accord? Oui, vous avez l'air d'avoir du plaisir, vous là, hein? Êtes-vous seul? Merveilleux, c'est les meilleurs moments. Et puis, donc, est-ce que j'ai voulu... Oui, c'est ça... Tout ce monde-là a un certain code de la route, même le cycliste, le moins chevronné, hein, avec le moins de connaissances, le plus abruti, va rouler en vélo en sachant bien que lorsqu'il y a eu un arrêt, on s'arrête. Et puis, c'est juste au Québec qu'on voit arrêt. Hein. Partout dans le monde, là, c'est stop. C'est mondialement reconnu comme étant un symbole. Mais chez nous, comme on veut persévérer, puis on est en marge et on s'aime pour ça, nous, là. On s'adule. Ah, mon, le 24 juin, là, on veut tellement pas se rappeler de ça parce qu'on est très émotif. Puis notre émotion, exact, ça se transfère à travers la micro, exact, la bonne bière. Vous avez raison. Et vous, avez-vous, c'est pour ça que vous avez une humeur un peu chambrante? Non, vous êtes abstinent au niveau de la, bon, au niveau de la gorlotte, au niveau de l'amour. Votre mari fait attention à ça. Bon, parfait. Bon, moi, le problème, non, mais c'est votre vie intime, hein. Là, ici, on est là pour s'occuper d'un phénomène sociétal. Moi, c'est Rénald, Errance Rénaldienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en ouvert. Vous n'aviez pas de crayon. Bon, c'est étrange quand même pour une secrétaire de pas avoir de crayon. Vous êtes une réceptionniste. Bon, mais une réceptionniste secrétaire, non. Vous n'êtes pas secrétaire. OK, juste réceptionniste. Non, je patiente pas, madame. Non, je sais que le téléphone sonne, ça sonnera. Vous êtes seul? Il n'y a pas une boîte vocale pour ramasser tous les autres messages non passionnants? Parce que le mien, là, il est de taille. Non, c'est pas pour me vanter, il est de taille. Mon message, madame, ça fait longtemps que vous avez... Oui, chez moi, tout est de taille. Même la moindre petite... problème, là, la petite virgule prend un essor considérable. Là. C'est la pointe de l'iceberg, effectivement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai rien contre le code de la route. Non, je le vénère et je le suis à l'arrivée. Mais là, il y a comme une zone morte, madame. C'est ici là, que mon appel prend tout son sens. C'est rare, Errance Renadienne, que tout prenne. La grosse majorité de cette émission-là, c'est de ne pas avoir de sens. Mais là, le... vous me connaissez? Ben voyons donc, oui, j'ai été monsieur radio. Ben, anciennement, là, j'ai. Ben, vous exagérez, oui. Oh, vous m'avez. Lors de radio. Ah oui, je vous ai vendu. Ah, c'est moi. Ben oui, j'étais à la caisse parce qu'on on fait pendant le Radioton. On met des prix aux enchères et puis on place une table à l'extérieur et on demande à quelqu'un vraiment avec une connaissance au niveau du public, là, tu sais, savoir avoir de l'entre-gens. Puis, ben, moi, écoutez, ça fait. Oui, je travaillais aussi. Ben, c'est moi. Ah, c'est, je vous ai vendu un disque de Jacques Higelin. Ah, hey, je oui, ben, j'agrémente toujours de mon. Moi, j'ai toujours un grain de sel, moi, qu'on. C'est pour ça que j'ai mal aux reins. Trop de sel, c'est pas bon. Mais non, j'ai toujours quelque chose à dire, moi, sur les achats des gens. Tout positif, effectivement. Bon, mais là, c'est pas... Vous l'aimez, votre disque? Ben, c'est une rétro... C'est trois CD. C'est une rétrospective du grand Jacques Higelin. Ben, oui. Ben, vous étiez excité, je le savais bien, votre fille. Et, en passant, votre fille, elle était incroyablement attentive à ce que je disais. Très intelligente. Hein? Elle a le regard intelligent. Elle vient de se marier. Bon, ça, c'est moins brillant, mais bon, il y a des... Non, il y a des fuites intellectuelles dans une vie, ça en fait partie. Et puis, après ça, elle va s'en sortir avec le divorce, et puis vous lui donnerez mon courriel. On va peut-être aller prendre un petit café. Moi, je prends pas de café, moi, je prends de la bière. Une bonne grosse bière, là, ça fait du bien. Au chagrin, ça fait passer le chagrin. En fait, c'est pas la bière qui fait passer le chagrin, c'est les bulles de la bière. Le houblon, lui... Amène les larmes. Parce que ça dépend. Si vous prenez avec extra houblon, là, vous avez comme le nez qui placote. Est-ce que vous faites placoter le nez, vous, madame? À peine? Avez-vous, oui, comme Cyrano, une devanture nasale des plus exceptionnelles? Les gens ont-ils le goût de gravir votre phénomène naturel? Oui. Bon. Mais moi, c'est pas de... Votre physique, écoutez, moi, j'ai aucun problème avec le physique de n'importe qui sur la planète, parce que là, c'est mon propos, c'est pas celui-là. Alors, il y a des codes de la route pour toutes les les moyens de locomotion, effectivement. Mais il y en a un qui a été oublié. Et c'est pour ça que je vous appelle. Ouais. La marchette. La fameuse marchette. Les gens ne savent pas faire fonctionner ça. Puis, là, ils ont sorti, hein, il y a quelques années, la marchette électrique. Bon, si tu ne sais pas la faire fonctionner, elle va partir sans toi, puis tu vas courir pour essayer de la rattraper. Mais comme on est en marchette, on a quand même une certaine problème de... Oui, c'est ça, là. On ne peut pas se débarrasser de notre marchette comme ça. C'est elle qui nous aide à fonctionner, là. Ça fait que moi, ce que je propose, ma chère dame, c'est de monter vraiment à partir de zéro, là, hein, un code de sécurité, le code de la route pour les gens qui sont en marchette. Oui. Et mettre surtout, ben ça, c'est ça, la petite marchette manuelle, là, ça peut aller, mais les freins, après ça, faut en mettre. Faut en mettre, je vous le dis, moi, sur du prélat, si tu vas te... Puis là, après ça, tu seras plus en marchette, tu risques d'être en lit électrique. Puis là, on n'a pas parlé du code de la route pour les lits électriques. On est loin de là, là. Parce que là, il y a des lits qui s'inclinent, qui chauffent, qui vibrent. À un moment donné, t'es sur l'autoroute avec ton lit électrique, puis tu pars de partout parce que ça s'est comme mêlé dans l'ordinateur. Parce qu'il faut pas oublier qu'un ordinateur, c'est pas un humain. Hein? Fait qu'il peut, ben quoi qu'un humain aussi, peut déraper, mais la marche, le lit électrique, ça peut être épouvantable. Imagine, tu roules sur l'autoroute, ton lit plie tout seul, il vibre, il chauffe, là, tu sais plus quoi faire, toi, t'as de la misère à conduire, tu vois pas clair, ta marchette t'a lâché, c'est pour ça que tu te retrouves dans un lit électrique, tu te dis où va ma vie, et tu te rends compte que c'est directement au cimetière. Au cimetière! Bon! Aujourd'hui, le lundi 11 novembre 2019, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! On place devant un triporteur, ma chère dame, un beau drapeau pour montrer qu'il y a quelqu'un sur ce merveilleux bolide qui ne va pas très rapidement. Quoi, c'est 14-15 km/h. Tandis que la marchette, on peut pas voir, là, ben, en fait, oui. Oui. On s'imagine que, mais là, quand t'es dans le trafic, t'imaginer, c'est quelque chose d'un bonus, là. Ce qu'il faut, c'est être vu sans trop se demander pourquoi. Ça va vite. C'est comme dans mon cerveau, là, 364 jours par année, ça va vite. La seule journée où ça va pas vite, c'est quand je le veux. Mais je le veux pas souvent, parce que je sais pas comment freiner. Puis quand je freine, je sais pas comment repartir. Fait que le moins souvent je m'arrête, mieux c'est. Ça fait. Puis là, c'est pas ce soir que ça va s'arrêter. Et monsieur, l'émission est exceptionnelle. Appelez vos amis. Si vous avez des défunts, réveillez-les. C'est le temps. Comment réveiller un défunt? Émaner de votre bouche un cri de mort. C'est une expression, un cri de mort. Alors, si tu fais un cri de mort, tu risques de le réveiller. Ça fait que moi, c'est pas ça, là. Les morts, là, c'est avant de mourir, faut faire attention, hein? Alors, le code de la routière, le code routière pour les marchettes devrait être comme les scooters électriques, les motos électriques, les montres électriques, et ta montre électrique, là. T'as-tu déjà vu les trotteuses sortir de la montre, toi, là, puis la grande aiguille, puis la petite aiguille, puis tous les chiffres, ils restent dedans. Il y a un décorum, il y a une façon de faire, ils sont pas tout croches. Quoique, il y a des. Ouais. Ça, on appelle ça de l'art, là. Si on s'est procuré la montre avec une petite aiguille, là, qui crochit, histoire de donner un petit. Hein? Un petit regain d'esthétisme, c'est important. Mais moi, c'est pas de l'esthétisme, c'est de la vie que je te parle. Quoique. Une question, ça pourrait être une question de bac. Est-ce qu'il y a de la vie dans l'esthétisme? Est-ce que la vie est esthétique? Si oui, comment ça? D'où ça vient? Comment peut-on considérer la vie pour la rendre aussi loin dans le cheminement intellectuel que dans le monde de l'esthétisme? On est parti, là, hein? C'est pas n'importe quoi, là, l'errance rénadienne. Là, les gens disent, oui, c'est toujours. Hein, ils balancent des affaires, puis ils comprennent même pas lui-même. On comprend tout, nous. On est ici pour diriger la psyché du genre humain à sa manière et surtout à sa. Je dis souvent surtout, hein, c'est tannant, ça. Je devrais donner 20$ à chaque fois que je dis surtout. Et donner ça à ses coérelles. Elle en ferait-tu de l'argent, ses coérelles? Je dis ça à corps d'amour, moi, ce mot-là, surtout. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a un S, puis un T après. Tu sais, surtout. Je sais, il y a S-U-R-T, C-U-R-T-O-U-T, là. Mais peut-être le S, puis les T là-dedans, puis il y a un U. Le U, je l'adore, le U, parce que il est comme prêt à recevoir plein de choses du ciel, plein d'énergie, plein de je ne sais quoi du ciel, parce qu'il est ouvert comme un grand bol. T'aimes-tu ça, toi, les grands bols? Madame, êtes-vous encore là? Ouais. Hey, mon dos, on vous a presque quitté, là. Étiez-vous en. Pas en arrêt de travail, mais en pause café? Ouais. Vous devriez en prendre plus que ça. Et là, je parle du café. Ouais. Parce que là, je crois que lorsque je vous parle de mon idée de dresser ensemble, on pourrait le faire maintenant. Là, si vous avez trouvé votre crayon, ce serait quand même bien de commencer par. Me présenter, Rénald Gagné, animateur de CKRL en Saint-Étienne, l'émission de CKRL. Et Comment ça, je suis prétentieux, madame? Qui a trouvé le code de la route des marchettes? C'est moi! Avez-vous entendu parler dans un restaurant? Parce que quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous écoutez ce qui se passe autour, là. T'es comme un satellite. Tes oreilles vont de toutes parts, un peu comme ton caniche maltais. Tu veux capter plein d'idéologies, puis là, t'as ton crayon, ton papier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux tâter le pouls? Je me suis retrouvé en prison, moi, pour avoir tâté le pouls. T'as bien, oui. Il paraît qu'on n'a pas le droit de tâter le pouls à certaines personnes. Hey, voyons donc. Hey, elle m'a dit que je faisais de l'abus. Je fais pas de l'abus. J'essaie de savoir ce que la société a dans le corps. Alors, on tente le pot. Quand tu tentes, c'est sûr que tu dois prendre tes mains. Essaie de tenter avec tes cheveux. Toi, ça peut. Ouais, le samedi soir, tout peut se faire. Tenter avec les cheveux, et hey, puis ça peut être intéressant. Je vous conseille fortement. Si vous le faites, là, vous avez encore quelques jours. On est juste lundi. Comment allez-vous prendre les taureaux par les cornes, histoire d'amener à votre femme cette, comment dire, donc, cette avenue-là, que ce samedi, vous allez vous amuser uniquement avec des cheveux, ça, vos cheveux. Ça, c'est fétichiste. Tu sais, un fétichiste. Un fétichiste des cheveux. Et y en a-tu qui sont mal fonctionnels, non fonctionnels? La mode de pas un cheveu sur le caillou, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi? Amène-moi ta femme, moi, j'en ai des cheveux. Moi, je coupe pas souvent. J'ai l'air des Beatles des années 60. J'ai aucun problème avec ça. Quand les gens me frappent gentiment sur l'épaule pour me dire excusez-moi, madame, quand je me retourne, oh, monsieur, non, j'aime ça, moi, l'ambivalence. On sait pas. De derrière, on dirait une dame. Quand il s'avance, on dirait un monstre. Hein? C'est entre les deux, un monstre à poil. Mieux vaut, la question est la suivante, mieux vaut-il être... Non, mais c'est ça, moi, c'est ça le décalage, là. Je sais pas si je dois mettre l'adjectif avant le participe et puis le subjonctif avant l'animal, ça, j'en ai aucune idée. Mais considérant que la marchette est le parent pauvre de la locomotion, au même titre que la canne, quoique moi, j'ai bien sûr mis de l'avant, j'en ai parlé il y a quelques années, la canne électrique. Elle va plus vite que toi, comme ça tu apprends à marcher rapidement. Si tu veux faire fondre tes graisses, faut pas que tu ailles au ralenti, là. Vas-y, carbure. Ma canne électrique a comme une petite paille en bas, histoire de faire sortir toute la boucane. Parce que quand même, c'est y a trois pistons là-dedans. Deux cylindres, trois pistons. Tu mets un peu d'huile, t'es bon pour un an. L'essence, ben écoute, moi je l'ai mis hybride. Des fois hybride pas, ça dépend, là, mais avec l'âge hybride. Et puis, pardon, comme toi, bon, mais tu es tout à fait dans le carcan classique. Ça doit te faire plaisir. Tu vas ressembler à tout le monde. C'est rassurant de ressembler à tout le monde. Ben oui! On doit aussi mettre de l'avant des sphères de latex gonflables pour les gens qui circulent en... Ouais, en marchette. Parce que si tu te fais frapper par la gauche, tu seras bien sûr moins accidenté puisque les gens vont rentrer dans cette bulle qui vous entoure. Ce serait un halo de ballon. De la belle balloune, pas de la balloune insignifiante de fête. Non. De la balloune résistante, là. S'il y a un paratonnerre, s'il y a une l'éclair qui tombe dessus, ça pètera pas, celle-là, là. Je considère que... Ah, ouais, je chante l'aluminium. L'aluminium aurait une place prépondérante. Pour ne pas... Exceptionnel. Pardon? J'ai dit, ça pourrait faire la différence. Parce que la lame en âme, quand tu fais soleil, ça reflète. Quand ça reflète, ça éblouit. Comme ça, tout le monde qui circule, qui pourrait circuler en motorisé se frapperait dedans, sauf la personne en marchette. Mais là, il faut faire attention avec les sphères de latex gonflables parce que moi-même, à la maison, j'ai vérifié. Hein, je travaille là-dessus sur le code de la route, moi, de la marchette. Je m'en vais vers là, la marchette, moi, là. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire dans la marchette? En oubliant peut-être si vous trouvez que c'est trop onéreux, ça, parce que ça coûte quand même assez cher, hein, de l'aluminium et des sphères de latex en aluminium. En fait, en un mot, c'est... enrobé d'aluminium. Parce que la matière première, c'est du latex gonflé. Alors, s'il y a un attentat et on essaie de vous percer la bille pour vous faire souffrir, pour vous faire mal, pour hein, bon, ça, c'est imparable. Ça peut pas. Ça peut pas briser. Donc, vous êtes entouré. Vous êtes entouré d'amour et surtout de protection. Encore surtout, un autre surtout. Je suis rendu à 250$. Mais non, ça coûte 20$. Ça coûte 20$, c'est 260 ou 240, c'est pas 250. Non, j'ai perdu la tête. Tu perds souvent la tête, toi. Là, ton histoire là, de marchette, c'est intéressant. Mais ce qu'il faudrait, ben oui, ben j'espère que c'est mon idée. J'espère que mes idées sont intéressantes. Mais en même temps, si ça ne fonctionne pas, là, l'habit, parce qu'on dit que l'habit fait le moineau. Mais pas très. Si tu mets trop de moineaux là-dessus, tu vas t'envoler, tu reviendras plus, là. Puis on veut que tu restes, là. Faut que tu continues à fonctionner. Faut que tu contribues au rouage économique, comme je le dis souvent. On a besoin pas. Non, on n'a pas besoin de toi, mais on a besoin de ton argent. Fait que si tu peux rester en vie en étant malade le moins possible pour que ça nous coûte le moins cher, si tu réclames pas, si tu es un bon citoyen, tu payes tes taxes, tu payes tes impôts. Tu payes le fait d'exister. Puis entre ça, ben, si tu as des petits loisirs, pas trop. Pour pas que tu nous coûtes cher, toi, là. Mais à quoi que si tu dépenses, ben, ça fait fonctionner le rouage économique. Dépense. Achète-en des affaires. Même si t'en as besoin, achète-en. Faut que t'en aies. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On dit que l'argent doit circuler. C'est ben oui, circuler. Il n'y a rien à voir. Il y a tout à voir. Et puis, en tout cas. Si je me mets à la place d'une femme ou d'un homme qui fonctionne en marchette, ce que je souhaite, ce que je voudrais pour moi, c'est d'avoir des lumières en arrière. Ben bon, on me voit en avant, là. Au moins, je peux faire des signes. Je suis là. Coucou, je suis là. Tu sais, sur le boulevard, quand tu traverses la rue, là. Je suis là. Mais avec des lumières, ben on va te voir. Pas besoin de parler, pas besoin de faire des « Allô », des SOS. Tous les cris, les SOS font du mal. Pas besoin de ça. Pas de SOS, tout le monde te voit. Et puis, certains fonctionnent avec des casques de sécurité. Là, quand tu es en scooter électrique, en moto électrique, même en moto traditionnelle, le casque, le port du casque est obligatoire. Ça devrait être ça aussi en marchette, avec la marchette, mais avec une lumière. Des lumières, mais pas n'importe quelle lumière, là, des gyrophares, un peu comme la police. Les gens iraient pas vite. Il y aurait la chienne. Si la police nous suit, faut être tranquille. Fait que vous pourriez passer pour la police qui va pas vite. Là, ça arrive, la police qui va pas vite. J'en connais, moi, de la police qui va pas vite. Mais c'est pas parce qu'elle va pas vite au niveau de la rapidité de son véhicule qu'elle va pas vite au niveau de sa capacité mentale. Hey! Ça va ensemble, cela, là. Mais non, c'est pas... non, ça va pas ensemble. Qu'est-ce que tu dis là? Toi, ton but, c'est de t'enlever la liberté. Ouais. Une belle façon de voir les vies. Ah oui, hey, attends, madame, on va faire semblant qu'on n'a pas entendu la chanson. Vous êtes encore là, madame? OK. Vous m'avez dit que vous aviez acheté à CKRL lors du Radioton pour notre encan. Parce qu'on fait des encans. Aimez-vous ça, des encans? Le triple CD, en fait, des grands succès de Jacques Higelin. Si vous pourriez, parce que vous êtes avec un téléphone avec fil, vous, hein? Non. Pourriez-vous me faire passer le disque par le téléphone? Le fil, lui, va s'occuper de me l'envoyer. Et puis, je vais l'attraper. Là. Je vais aller le chercher dans le réceptacle. Et puis, je pourrais diffuser ça à nos invités. Mais pas à nos invités, mais à nos auditeurs. Est-ce que c'est possible, ma chère dame? Troublante créature? OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le passe-tu, le disque? OK. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On donne-tu un petit rendez-vous, puis on, avec un, deux verres d'eau, on va pouvoir parler des choses de la vie? Ah, OK. Alors, commencez par passez-moi le disque, puis je vais vous l'amener en main propre. Aimeriez-vous ça me rencontrer en main propre, même si j'ai les mains... Moi, je suis comme Jean-Pierre Sartre, moi. Jean-Pierre Sartre. Je suis un grand connaisseur. Comment ça, c'est pas Jean-Pierre, ça? C'est Jean-Pierre. Hey, toi, avec ton Jean-Paul, lâche-moi le Jean-Paul, c'est pas Jean-Paul Bello, c'est Jean-Pierre Sartre, hein? Ben oui, Jean-Pierre, c'est le beau-frère à Ferland. Sartre Ferland. Jean-Paul. Jean-Paul Ferland, un peu plus haut, un peu plus loin. Jean-Pierre Sartre, les mains sales. En tout cas, que t'aies les mains sales, que ce soit Jean-Pierre ou Jean-Paul, peux-tu m'envoyer ça par la ligne médiane, s'il vous plaît? Puis si ça rentre pas très bien, là, pousse fort. OK, vas-y. Hop, hop, hop, oh, oh, oh, ça va bien. Et oui, monsieur, c'est parti! Crocodile, crocodile, ni entre les coups du crocodile. Cela dit, j'éprouve parfois, je l'avoue, une certaine sympathie pour le crocodile du Nil et le gavial de Pierre Bagny. Dans la cruauté cannibale, la férocité inouïe, les classes au top de toutes les espèces en voie de désintégration. Mais si tu finis par l'avoir, tu pourras faire le beau dans les bars de Changa et Jakarta ou Bornéo, en faux léopard avec un jean en sky, une cape, un sac, des bagues et des boots et des lunettes en écaille. Crocodile, crocodile, crocodile, ni pitié ni cato, mais on tenaille entre les coups du crocodile. Ni drapeau ni médaille serré dans les mâchoires du crocodile. Crocodile, crocodile, pris dans ses entrailles. Crocodile, crocodile, pris dans ses entrailles. Je donnerai pas cher de ta peau. Ben, parler de miracle, Gaétan, ce serait peut-être un peu exagéré, là. Ce qui m'est arrivé, c'est tout simple. Je marchais. J'ai regardé dans un trou d'eau. En fait, il y avait un trou, puis dans lequel la pluie s'était engorgée. La pluie s'engorge souvent avec moi. Elle se prend la papille gustative, là, puis elle fait des ça arrive régulièrement. Puis là, la bouche d'égout, qui est juste à côté, elle a fait mouah, puis là, ça fait des orchestres symphoniques. J'étais surtout à côté, encore surtout, on me ruine à soir. J'étais devant l'église. L'église Sainte Communion des Sacré-Cœurs de Jésus-Marie de Sainte-Toussette de Bouchette. J'étais à Bouchette. À Bouchette, mais moi, je dis jamais à personne quand je vais à Bouchette, on se la cache, hein? La Bouchette, on veut pas trop divulguer notre localisation. C'est trop louche, et puis on a peur de voir arriver du monde qu'on veut pas voir. Ça fait que moi, j'étais là, le trou d'eau, l'église, et j'ai entendu. J'ai entendu de mes yeux, tu sais, parce que ça a été plus oculaire qu'auditif au début. Après ça, là, je me croyais à un mauvais spectacle de Pink Floyd, donc c'est classique, là. Ben ouais, tous les spectacles de Pink Floyd, c'est mauvais, voyons donc, oui. Et puis, ben, fessieux, c'est tellement ordinaire, comme disait Robert, qu'il faut s'exciter le psyché avant. Quand t'es obligé de t'exciter le psyché, Frank Zappa pas besoin de non. Lui, il est 100% créateur. Non bourgeois, donc un vrai à rien qui veut arriver à tout. Pas un petit bourgeois là, qui avait déjà une guitare à 6 mois dans le ventre de sa mère puis qui jouait avec le cordon ombilical. Comme Jim Bibbricks a commencé à jouer avec le cordon ombilical de sa mère. Elle lui a dit, mon petit Orvis. Elle disait ça souvent. Mon petit Orvis, tu vas payer quand tu seras plus là, toi. Tu vas payer quand tu seras plus là, m'a tiré ton argent jusqu'à la dernière scène. C'est ce qu'elle a fait. Elle puis tout son entourage de requins, là. Des vautours, qu'on les appelle. Les vautours Ben Bricks. Il va faire un album. Là, c'est pas mieux. C'est comme le groupe de Doors. Il y avait Jim Morrison. Quand Jim est plus là, c'est qui les Doors? C'est plus personne parce que c'est la représentation du groupe, c'est Jim Morrison. Au même titre que l'emblème de Queen, c'est Freddie Mercury. Enlève Freddie, plus de Queen. Ben beau faire des spectacles. Elvis, la même affaire. Ben beau enlever le chanteur puis mettre les musiciens d'origine, il n'y a plus rien, là. T'essaies de trouver, tu te promènes dans les bars, tu te promènes, tu sais, à Londres ou à l'ombre pour trouver un genre de Jimi Hendrix. Ou de, comment j'ai dit, lui, Jim Morrison. Puis dire, hey, viens-t'en faire de l'argent avec nous autres, là. On va recréer le groupe, mais comme l'artiste n'est plus là, nous, les musiciens, on a 30 ans derrière la gargote. 30 ans derrière la gargote, on peut t'en faire jouer. Tu ressembles à deux gouttes d'eau pour l'artiste, tu sais. T'arrives en retard, tu fais des crises d'humeur, tu fais semblant d'être sous, tu tombes par terre, tu sais, comme en transe. Le monde aime bien ça quand tu s'imagines que t'es en transe. Mais ils vont acheter des billets. C'est comme Joy Division. Le gars, s'il s'est suicidé, c'est parce qu'il souffrait malheureusement. Il faisait de l'épilepsie. Les gens n'allaient pas le voir pour ses chansons. Ils voulaient le voir tomber par terre puis trembler de partout. Le monde est comme ça. Alors là, j'étais devant l'église. Je me lève les yeux. Après ça, je redescends. Je dis, voyons donc, c'est impudique de se lever les yeux de même. C'est comme quand tu es à genoux. Puis là, une jeune fille a échappé ses livres. Alors, tu prends les livres en question et tu regardes en dessous. Bien, tu ne voulais pas regarder en dessous, mais il y a un coup de vent, un peu comme Marilyn. Et puis, tu lui donnes les livres et tu vois tout le spectacle devant toi. Et là, je me rappelais tout ça. J'ai dit, non, on va baisser les yeux. C'est l'église. On ne peut pas mettre ça là-dedans. Là. C'est bizarre, ces rasoirs-là, hein? Ils disent que c'est auto-électrique, mais moi, c'est comme la chaise, là. Faut pas que tu te trompes. Pouvez-vous... soit tu t'achètes une chaise vraiment électrique ou entièrement manuelle. Parce que si tu prends des chocs pendant 20 minutes, c'est long avant de te repasser. Fait que là, moi, j'étais devant l'église, il y avait le trou d'eau, j'ai jeté un coup d'œil sur le trou d'eau, et puis ça, je me suis élevé les yeux par la suite. J'ai tout vu, les artistes. Jim Morrison, il y avait... je les ai nommés, là. Jim Morrison, après ça, il y avait Freddie Mercury, puis ça. Puis là, ils discutaient entre eux autres. C'était le party, là. Ils étaient trois devant une table, là. Puis, ça fraternisait. Il y avait du bon vin rouge. Puis, tu sais, c'était en haut, là, dans le ciel. Et là, ils se sont dit, hey, ils arrêtent pas d'essayer de nous imiter, mais on est unique. J'ai dit, ils ont raison. Tout à fait raison. Et au loin... Très, très loin est arrivée une note. Et là, on se sentait presque pris, concerné, entouré par un mysticisme indescriptible. Jim regarde Frank Zappa. Frank Zappa fait un clin d'œil à Freddy. Freddy remplit le verre de Jimmy. Jimmy coupe une tranche de jambon et le remet à Frank. Aujourd'hui, le lundi 11 novembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami Marc Havet. Marc Havet est un auteur, compositeur, interprète, homme d'esprit, la preuve. À mon insu, de mon plein gré, j'ai commencé à pédaler sur la petite reine de mon enfance. Avec grand-père, on s'en allait dans la campagne, on pédalait et on rêvait du Tour de France. À mon insu, de mon plein gré, avec grand-père, j'ai continué les randonnées dans la montagne. Il me parlait de Bartali, les exploits de Faustocopi et des critères de Bretagne. À mon insu, de mon plein gré, j'ai commencé à m'entraîner après l'école et le dimanche. Et quand j'ai pu participer, j'ai gagné mon premier trophée, vainqueur de la boucle d'Avranches. À mon insu, de mon plein gré, on m'a choisi comme équipier pour courir dans le Paris-Nice. J'ai fait mes classes dans le peloton et pour mériter mes galons, ce que j'en ai fait, des sacrifices. À mon insu, de mon plein gré, course après course et sans moufter, j'en ai bouffé des kilomètres. Et des dopants par tous les bouts, cachet picouse, vraiment c'est fou ce que le docteur a pu me mettre. À mon insu, de mon plein gré, pour courir j'ai tout accepté, et je suis bon pour le cimetière. Pourtant je me souviens, c'était beau quand on allait faire du vélo dans la montagne avec grand-père. Vous qui avez besoin d'amour, à force d'être en manque d'amour, si vous souffrez du mal d'amour, pourquoi pleurer toujours? Amour.com vous aime, votre réseau vous aime, et bientôt sans problème, tous vos amants vous aiment, votre parfum vous aime, tous les serveurs vous aiment, votre horoscope vous aime, dans votre vie tout baigne, plus jamais seul, même votre mobile vous aime. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime, non pas comme ça, c'est pas la peine. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime, un rien plus vrai me suffirait. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime, c'est toujours la même rengaine. Votre feuilleton vous aime, tous vos élus vous aiment, le président lui-même, Gaz de France vous aime, votre loto vous aime, si vous gagnez quand même, tous vos amis vous aiment, chez vous tout un harem, le tout Paris et même votre concierge vous aime. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime, non pas comme ça, c'est trop obscène. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime, un peu de respect me suffirait. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime, c'est toujours le même système. Votre banquier vous aime, vos conseillers vous aiment, vos créanciers vous aiment, vos héritiers quand même, votre viager viager. Je vous aime, vous et votre santé, idem. Les pompes funèbres, je vous aime. Jusqu'au moment suprême où tout ce qui reste est même. Enfin tout le monde, je vous aime. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime. Non pas comme ça, c'est pas la peine. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime. Un rien discret me suffirait. Je veux plus qu'on m'aime, je veux plus qu'on m'aime. Comme ça, mais j'aime qu'on m'aime, comme j'aime quand j'aime. Chanson de 2 minutes 30. Tu répètes pas tout le temps la même chose, merde. Ouais, pourquoi faire long quand on peut faire court? Oui, c'est vrai. Donc, si tu veux, je chante beaucoup de chansons dans la soirée. Une trentaine, hein. C'est à peu près ça, quoi. Pour chanter 1h15, 1h20, je chante 30 chansons. Bon, bah, sur les 30, je viens la moitié, mais il y en a 12 ou 15 qui sont des chansons que les gens sont contents de reconnaître. Ouais, bah oui, c'est ça. Chansons qui ont 20 ans, qui ont 15 ans. Bah, oui. Je change selon les années, je reprends. Ça, on est d'accord. Mais au départ, moi, je me dis... Puis, il faut toujours les chanter en début de soirée. Parce que si tu ne chantes pas les nouvelles en début de soirée, tu ne les chanteras jamais. Et c'est là que je te parlais de Brassens. Moi, j'allais voir Brassens à Bobino. Ouais. Et alors, Bobino et Brassens chantaient. Et alors, ça, quand tu vas dans les récitals à cette époque-là, c'est exactement ça. Tu as une bande de mecs dans la salle. Le mec, il arrive et il chante ses nouvelles chansons. Et à l'époque, en plus, on ne sortait pas les disques avant le... Hein, ils enregistraient les disques après le concert. Donc, quand le mec, il arrivait avec les nouvelles chansons, personne ne la connaît. Voilà, à part sa cousine, son frère et son copain. Personne ne la connaît. Ah oui, c'est pas mal. Il a peut-être enregistré chez lui, mais pas au studio et tout ça. Parce que maintenant, on fait les disques avant. Ils arrivent, connaissent les... Heureusement, souvent, ils connaissent les textes par cœur, parce que comme la sono est forte, des fois, dans les zéniths, tu entends la moitié des paroles. Mais c'est tu en fous, il n'y a que la fois qu'ils sont, puis qu'ils ont déjà le disque. Tu vois, c'est le monde à l'envers, parce que tu me demandais ce que je pense de... Il y a forcément des bons auteurs, des trucs. Mais on est dans un autre système, quoi. C'est plus la même vie. C'était mieux avant, mais c'est vraiment différent. Donc pour revenir à Brassens, alors, mais il n'y a pas que Brassens. Bon, le mec, il arrivait, il chantait chanson, personne ne connaissait. C'est vachement bien. Deuxième, une troisième. Et dans la salle, je raconte qu'il y a le gorille, le machin, qui veut ses tubes, qui connaît lui. Et Brassens, il commençait à en avoir marre. Une fois, c'est ça, il était là, sur la scène. Il a dit dans sa moustache avec son bassiste derrière, mais tout le monde l'a entendu. Il a dit, j'en ai marre de chanter pour des cons. Mais il a dit ça comme ça, ça a fait marrer tout le monde. En fait, tous les gens qui se rendaient compte que... Mais le connard qui n'arrêtait pas de répéter... Ouais, la gorille, ouais. Ou je sais pas quoi, lui, ouais. Il n'a rien compris. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Toi, c'est là où, quand on vient au chanteur engagé, tu dis ça, mais finalement, tu dis ça pour ceux qui avaient déjà compris. Ouais. Mais le con qui n'a rien compris, il ne comprendra jamais. Non. Puis il va continuer à crier. Oui, oui, à demander ses trois succès. Exactement. C'est comme ça. Et puis toi, aujourd'hui, si tu écris rarement, qu'est-ce qui te fait encore réagir? La bêtise humaine ou... Bah toujours, ça, de toute façon, ça, depuis toujours. Bah, alors, il y a du matériel. Ah ben, bah, le matériel, c'est ce que je te dis, à chaque fois que je suis en colère, t'as une chanson, bah oui. Bah, La Fontaine, c'est ça, hein, tu lis. Brassens traînait, c'est très proche, c'est une écriture assez proche de La Fontaine. C'est des fables comme ça, petite histoire. Il y a une petite morale, pas une morale précise, mais une morale où tu comprends que... Ben voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte d'autre, hein? Oui, la bêtise humaine, bien sûr. De toute façon, moi, le bonheur, c'est Jean Maupassant qui avait dit ça. Le bonheur n'est pas gay. Tu vois, moi, les chansons, chansons qui disent « Je suis heureux, la vie est belle, ma chérie, je t'adore », il y a peut-être quelques réussites, mais enfin, pas vraiment, tu vois. Et la preuve, par exemple, à chaque fois que tu t'aperçois que... Alors, cet hymne qui est canadien, là, que je chante toujours, c'est... Tous les hommes vivront d'amour. Ah, ça c'est Raymond Lévesque. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que... Non, mais c'est Raymond Lévesque qui est un Québécois. Oui, mais je sais bien. Okay. Mais je sais, cet hymne que chante toujours, il a 15, Charlevoix sur la scène. Ouais. Il y avait encore Leclerc quand il était vivant. Il y a ça ou le phoque en Alaska. Oui, mais ça c'est pas pareil. Non, je parle de cette chanson-là, okay. Pourquoi? Parce que ça, c'est le phoque en Alaska, c'est une petite fable, marrant. Ouais. Mais ça, tu vois, bah, c'est une chanson, c'est rien du tout. Les hommes, mais nous serons morts, mon frère, bon, c'est clair. C'est donc une philosophie, c'est un constat, tout. Si c'est ça une chanson engagée, oui, je suis un chanteur engagé, et ça, je veux bien que ce soit une chanson engagée, c'est pas un machin, mais à chaque fois que tu chantes, tu entends cette chanson, bah oui, c'est clair, voilà ce que ça veut dire, que c'est pas pour demain. Hein. On disait ça aussi de Félix Leclerc, qui est un chanteur engagé. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, Félix Leclerc, il y a toujours une petite morale, lui aussi, c'est les femmes. Moi, j'adore cette chanson de Félix Leclerc. voulant couper son pain, elle s'était coupée la main, oui, à corriger, oui, le pharmacien. C'est des petites fables, ou le petit bonheur, le machin. Ben oui, c'est des histoires que... Hein, des historiettes. Oui, des historiettes, mais il y a toujours une petite... Mais en général, c'est toujours lié, c'est toujours créé par un paroxysme, quelque chose. Parce que s'il ne se passe rien, je te dis, si c'est... Je suis heureux. Ah ben quoi, c'est une chanson chef d'œuvre, ça, tu connais pas, je suis heureux. De Jacques de Brancard. Non. Tu connais pas Jacques de Brancard? Non. C'est un scandale. Ben, il est mort très jeune, mais il a pondu quelques chefs-d'œuvre. Il est mort à 40 ans, quoi. Il est passé à l'Olympia. Jacques de Brancard. Okay. Ça, si tu veux, je vais faire ma recherche. Oui, tu regardes. Ouais. C'est un mec, il a écrit des petits chefs-d'œuvre. Et ben justement, il a écrit beaucoup dans les années entre 68 et 80. Il est mort en 80. Sa chanson la plus connue, mélodie, c'est « Dans les bars d'Adélaïde, quand le dernier verre se vide ». Ah, ça me dit quelque chose. Oui, c'est une chanson qui a été connue. Mais celle-là qui est très drôle, c'est « J'ai la télévision, les trois chaînes, la couleur, ma voiture, la radio à l'intérieur, mon logement qui prend tous les jours de la valeur, je suis heureux. » Ah, ça me dit quelque chose. Ah oui, ça c'est drôle. Oh, ouais. Ah non, je suis heureux, c'est fou. Ouais. Tu sais, les passages... je suis un homme de gauche, mais la gauche a vieilli. Il faut savoir évoluer, c'est la loi de la vie. Je suis heureux. Ah ben non, mais ça, c'est une chanson, t'en prends plein la gueule. C'est un classique qui n'est pas très connu, tu vois. Mais oui, ça a marché. Il y a eu un clip à l'époque, comme ça, à la fin des années 70. Et il devait passer à l'Olympia, puis il est mort juste là. Il a subitement. Ah ben, il y a plein de mecs qui sont morts du cancer à cette époque-là. Ouais. On ne traitait pas. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais il faut dire que c'était. Moi, quand j'ai commencé à chanter dans mon cabaret, les mecs, tu avais de la fumée. Ouais, ben, tu voyais pas. Une autre époque, c'est quand tu voyais pas à 50 cm. C'est un peu comme les boîtes de jazz, hein, quand on rentrait dans les. Et c'était très, très. Gainsbourg était passé par là. Ouais. Tu ne voyais pas à 30 mètres, ouais. Tu rentres là-dedans. Ça sent la marijuana. Oui, ça sent plein de choses. Ça sent plein de choses étranges. Est-ce que pour toi, la chanson a évolué ou elle se désagrège? Alors, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que, bon, la chanson classique, il faut bien qu'elle évolue, oui, enfin, sinon on fait toujours ce qu'on dit, on fait toujours ce que les autres ont fait. Donc, il y a des gens qui spamment devant certains auteurs actuellement, actualité, hein, mais on a l'impression que c'est encore un peu ce qu'on a déjà entendu. Et je le prends pour moi aussi, je suis pas un novateur à tout prix. Alors, qu'est-ce qui peut marcher dans la nouveauté? Alors, il y a eu cette grande période que moi, j'en ai fait sans le savoir. J'ai fait du rap avant que ça existe, parce que j'ai toujours, ayant fait du jazz, je chante en rythmé, vu du bout du bar, pour moi, c'est naturel, voilà, ouais. Mais c'est pas... ça a été fait par Trenet, justement, par Bobby Lapointe, par Trenet, Raymond Queneau, tous ces trucs-là, les trucs avec des onomatopées, Prévert, tout ça, c'est toute une école, hein, qui existait bien avant, qui existait déjà. Alors, il y a eu une idée, les gens disent, ah, c'est original, bon, qui a été repris par les Blacks aux États-Unis, le slam, les trucs, et justement, slam, ça veut dire, parce que les mecs ne savent pas que ces mots-là, ça vient de, par exemple, le slam, ça vient de slam. Tu vois, ska, reggae. C'est-à-dire que tous ces noms-là, ça vient d'un son. Ouais. C'est ça, c'est intéressant. Tu vois, ouais, c'est que reggae, c'est un machin qui fait reggae. Alors que le ska, c'était plus sec, tu vois, c'est ska. Il saute en l'air. Hein. Déjà, le bebop, le ska, c'est des styles qui sont liés à un son. Alors ça, voilà, ça c'est. Justement, Trenet, ça a été l'originalité. Bon, aux États-Unis, oui, c'est vrai que là, le reggae, le rap, les mecs, les blacks, très vite, avant rap, comme un... Merde! Sex Machine, tout ça, tu vois. Bon, merde, pas Tom Jones, merde. Enfin, un nom comme ça, oui. J'ai même oublié, tu vois, mais je connais que lui. Mais... Oh, Sex Machine. Bon, James Brown. James Brown. Bon, il y a quelque chose. Il y a un son, il y a des trucs. Donc, ça soit français. La connerie aussi, c'est que justement, les mecs n'ont pas compris. Quand j'entends ça tous les jours, c'est pas à Québécois que je vais expliquer ça, que les mecs. Le français, ça sonne pas, je préfère chanter en anglais. Quelle bande de cons, ouais. C'est pas possible, ils n'ont jamais écouté les mecs. Je te dis que je te fais. Ça sonne terrible le français quand on le fait d'une certaine façon. Ça sonne aussi bien que l'anglais. Mais non, mais ça, c'est une connerie, ça. Et tous ces mecs, actuellement, tous chanter en anglais, ils ne savent pas chanter d'abord. Ils ne savent pas parler anglais. Moi, je l'entends. Moi, je suis pas très bon anglophone, ça c'est vrai. Mais justement, moi j'ai une amie, c'est beaucoup qui sont, tu sais, le père était ben, la faille aussi, je crois, sa mère était anglaise, son père est français, ils sont mixtes, quoi. Eh bien, quand ils chantent en anglais, s'ils disent des mots en anglais, c'est naturel. Ils disent, ah ouais, ils ça sont coule pas... de source, voilà. Ouais, c'est pas emprunté. Mais c'est... I run a stranger, ils tordent la bouche, puis ils font, I'm stranger, machin, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu des vrais anglophiles parler comme ça, je dis, c'est des vrais cons, hein? Ils veulent faire comme. Oui, ils font comme, voilà, c'est des imitateurs. Le cœur d'un voleur, les yeux d'un vicieux, l'assassin, le foie d'un malfrat, et ma foi, je ne sais pas qui je suis depuis. J'ai le cœur d'un voleur, les yeux d'un vicieux, un assassin, le voix d'un malfrat. Comme depuis quelques années, on manquait d'organes à greffer. Des prisonniers solidaires s'étaient portés volontaires, s'engageant à en faire don, même du fond de leur prison. Et c'est grâce à ces prélèvements que depuis mon accident, j'ai le cœur d'un voleur, les yeux d'un vicieux, un d'assassin, le foie d'un malfrat, et ma foi, je n'ai pas de rejet depuis que j'ai le cœur d'un voleur, les yeux d'un vicieux, l'assassin, le foie d'un malfrat. Mes yeux, foie de délinquant, ne les voient plus comme avant. Et du fond du cœur, merci de m'avoir sauvé la vie. Tous quand ils chantent en anglais, bah Vanessa Paradis notamment. Ouais. Il faudrait mieux faire comme Marie Chevalier, chanter I love you, my poupée d'amour, bah, au moins c'est clair. Prendre au moins l'accent français en chantant en anglais. Bah oui, ça avait fait Chevalier, Montand, Edith Piaf, ils n'ont jamais pris l'accent. Ils savaient bien qu'ils en étaient incapables. Ouais. Et Chevalier a fait un tube aux États-Unis, il a fait un succès fou à son époque. Et parce qu'il arrivait, il était là, oh my darling, il essaie pas de faire un accent anglais, moi je me fais reprendre par des mecs, voilà, oui, souvent je dis mon iPad, mais un iPad, je dis, mais vous me faites chier, moi en français c'est iPad, c'est un i, hein. c'est pas iPad, c'est iPad. iPad, ouais. Mais oui, non, mais c'est une connerie, mais tout, on peut en dire comme ça toute la journée. Je dis, pourquoi vous voulez, vous avez un engin qui s'appelle iPad, et moi je lis i, iPad, ouais. Ben, en français i, ça dit i. Ouais, c'est pas un i, ouais. Bah, hey. Mais ça, je pense qu'on est foutu à cause de ça. Moi, je mélange un peu tout, mais ouais. La chanson, c'est ça aussi. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une chose. Alors, il y a aussi un désintérêt du public pour... Bah, parce que peut-être, justement, comment... Ça n'est pas beaucoup renouvelé, quoi. À un moment, donc, les gens se sont dit... tu vois, bah, justement, tous ces chanteurs, Gilbert Lafay, Yvan Dautin, ils ont fait des belles carrières, hein, dans les années 70. Ils plaisaient, mais c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas su... Il n'y en a qu'un qui a surnagé, c'est Souchon. Parce qu'il s'est adapté avec Woolsey, il a fait des musiques un peu à l'américaine. Mais moi, à l'américaine, c'est pas déshonorant, j'adore le jazz. Non, mais il était à l'Olympia hier avec Vanessa Paradis. Oui, quoi? Ouais. Ouais. Alain Souchon était là pour une chanson. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour te dire que voilà, tu vois. Ouais. Et puis son musicien, là, Woolsey. Ouais. Bon, bah, la musique, ils sont, tu vois. Moi, c'est un très bel osmose. Par exemple, les gens, ils me parlent de Boris Vian. Moi, ils pensent, je sais pas pourquoi, j'ai la voix un peu, les gens me disent souvent, puis moi, mon côté cynique comme ça, ils me disent, ah ben, vous me faites penser à Boris Vian. Je dis, oui, mais un Boris Vian dans 2000. Parce que moi, je connais plein de chanteurs souvent qui chantent ils sont toujours en train de faire chabalabala. Mais je leur dis, mais ça c'était en 1960. Mais aujourd'hui, on ne peut plus chanter chabalabala. On peut, mais c'est rétro. Michel Legrand le faisait. Oui, mais encore. Moi, j'aime beaucoup Michel Legrand. Mais enfin, je l'aime pour d'autres raisons. C'est pas ce qu'il faisait de mieux. Oui. Moi, Michel Legrand, ce que j'aime de Michel Legrand, justement, c'est genre les parapluies de Cherbourg, tout ça. Ça, c'est un écrivain. De... Moi, je connais les parapluies de Cherbourg par cœur. Avec une copine qui est chanteuse. Elle s'appelle Alice Avens. C'est une jeune, mais qui a beaucoup de talent. Elle étudie le cinéma aussi, d'ailleurs. Elle était à la FEMIS. Et. On a fait des soirées, des joutes en chansons, je t'explique toujours. J'invite deux artistes. Okay. Et mon invité, il commence. Il commence, donc je dis, tu choisis. Tu chantes. C'est pas préparé. Il dit, bah, par quoi tu commenceras? Si c'est lancé, il commence par chanter. Je lui réponds. Il me répond, on se répond. Un marabout, tu sais, un peu suivant l'humeur, suivant. Hein, on sait la première et la dernière. On dit, bah, tu termineras par quoi? C'est mon invité qui termine. Incroyable. Et l'autre fois, Michel Muller, il est venu, il y avait chez moi. Mais chez moi, c'est pas petit, mais c'est une maison, une petite maison. Il y avait 70 personnes, hein. Bien serré, et puis on était... C'était le panard. Mais Sarclot fait la même chose. Oui, bah, bien sûr, Sarclot. Ouais, je connais, ouais. Mais Sarclot, c'est une tête de l'art. Hein. Ouais. Sarclot, faut le connaître. Hein. Ouais. Moi, avec moi, ça va, mais il a fait des saloperies. Comme... Lui, c'est un peu comme... Il a une sale caractère. Des fois, il est très marrant. Ouais, c'est un vieux grognon. Oui, voilà, c'est un vieux ronchon. Alors, de temps en temps, il faut attendre. On ne sait pas d'où ça va tomber. De temps en temps, c'est tous des cons. Machin, c'est une merde. Yves Duteil, c'est une sous-merde. Ah oui, puis alors, il aime bien chier sur tous les artistes. Ce qui n'est pas... Moi, je ne suis pas hypocrite. Sauf Bob Dylan. Ah ben non, ça va bien, c'est un chef-d'œuvre. Bob Dylan est un autre, parce que justement, il a un seul caractère. Parce qu'une fois, j'avais fait un hommage à un artiste que tu ne veux pas connaître, il s'appelait Claude Astier. OK. Oui, c'est un chanteur très original français qui écrivait des choses très iconoclastes. Et il le connaissait bien. Et alors, quand il est mort, là, quelques années, on fait des soirées, ou comme ça, pareil, on range chacun, une douzaine d'artistes, chacun chante deux, trois chansons du mec. Et alors, il a commencé par dire, moi, je viendrai pas parce qu'il y a machin qui est une sous-merde, et tout à tout, il est désagréable. Ouais. On sait jamais, ça dépend des jours. Alors, d'un seul coup, sur Facebook, tu vois, moi, je m'en sers parce que c'est un truc de concierge, des fois, mais je m'en sers parce que ça permet de faire la com. Ah, ouais. C'est de la com rapide. Ah, ouais, quand tu penses qu'il y a 30 ans, il fallait payer des journaux pour mettre des pubs. Maintenant, tu payes rien, au moins, tu exactement, mets tes trucs. Et tu en profites. C'est mieux, quoi. Ben oui, puis c'est vu tout le monde. Ça c'est mieux. Ben oui. Oui. Et alors, donc, on avait mis tout. Et là, alors là, il se défoule. À un moment, un soir, il commence à dire... j'irai pas à cet hommage qui était au Forum Léo Ferré, je te dis, j'irai pas parce que il y a un tel qui est une sous-merde et machin. Je trouve ça absolument invraisemblable. Alors, t'es plusieurs personnes qui le connaissent, justement, dont je voyais Xavier Lacouture, tu lui envoies un petit poli, lui. Moi, je suis poli aussi avec lui. En fait, tu lui dis, écoute, t'as qu'à venir, tais-toi et chante. Moi, j'ai une chanson qui s'appelle comme ça. Tais-toi et chante parce qu'ils nous font chier, les mecs, ils arrêtent pas de râler, de causer. T'as qu'à chanter, puis c'est tout. Et alors, bon. Et puis. Sur le Facebook, donc il y a des défoulements à la con, ouais, ouais. Machine, la patronne du forum c'est une sous-merde, enfin tu vois, le mec... Et alors, tu sais ce qui se passe? Et ben, il se passe que je lui réponds quand même, ben, je dis, ben non, je dis, ça reclerait, reste à ta place, quoi, chante Dylan et nous fait pas chier, quoi, une blague comme ça. Et alors, il y a des mecs, des fans à lui, qui disent, mec, on ne touche pas. Tu sais, les mecs sont hystériques, les fans. Ouais. Ne touche pas à Sarclerey, c'est un génie. Bon. Et là, j'ai répondu, parce que tu parlais de bien, j'ai répondu, génie ou pas, on peut être un génie, mais ça n'excuse pas tout. Et j'ai mis entre parenthèses, que j'avais que ça allait toucher, voir Louis-Ferdinand Céline. Parce que Céline, c'est ça, c'est Céline, chef-d'œuvre, voyage au bout de la nuit. Ouais, mais enfin, moi, mort ou youpin, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, ça veut pas dire grand-chose. Si, ça veut dire que c'est un con, puis c'est tout. Gainsbourg disait, le génie, ça démarteau, mais il y a quelquefois, ça remarteau. Oui, non, c'est vrai, bah, tout le temps, les mecs, ça leur tourne la tête complètement, t'as raison. Ouais. Bon, c'est... Oui, mais j'ai 10 questions, et on va voir où ça va nous mener. 10 questions de la fin. Si tu étais un liquide... Ah, mais les questions, ah merde, j'ai jamais pensé. Bon, bah écoute, si j'étais un liquide, je voudrais quand même être du vin, hein, pas de l'eau. Du pinard. Oui, du vin, oui, du bon lequel? Vin. Un bon vin. Une sorte de vin. Et des vins légers, pas des vins, pas des mecs, tu vois, je vais pas te dire, par exemple, un super Bordeaux, un Pétrus, machin. Non, les vins de Loire, les vins. Rouge. Oui, plutôt rouge, un bon vin rouge, voilà. Mais Gilbert Lafay n'a pas répondu ça, parce qu'il a fait une chanson sur les vins. Il était déjà vendu, oui. Si tu étais une ville. Une ville? Oui. Ah merde, autre question. Si j'étais une ville. Mais ça, c'est un facile, Paris. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs. Enfin, j'ai pas de temps voyagé que ça. Si j'étais une ville. C'est dur, ça. Ça dépend par rapport à quoi. Ouais. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ben, une ville où il n'y a pas de bagnole, pas trop de bagnole, c'est ça, une ville assez douce, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. Ouais. Sinon, moi, une ville, si on vient dans une ville, c'est pas pour être à la campagne, non plus qu'on est dans une ville, c'est la vie. Mm-hmm. Alors moi, j'aime beaucoup Paris. Quel arrondissement? Bah, moi, je suis dans le 14e. Okay. Mais, ici, c'est peut-être un peu surfait. Ici, il y a des touristes. Oui, oui, oui. Alors, il y a des quartiers de Paris, notamment Montparnasse, qui n'est pas très connu, entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. C'est plus authentique, parce qu'ici, c'est quand même très touristique. Ouais. Il y a des coins qui restent vrais, mais il faut les chercher. Ouais. De toute façon, il faut toujours chercher. Effectivement. Il faut le mériter. Eh, ouais, faut ouais, pas ouais. Arriver. Il faut travailler pour... Voilà. Alors, la vie, moi, il y a une vie que j'aime bien. Hein. C'est New York. Hein. J'y étais plusieurs fois encore il y a 45 ans. Justement, moi j'aime pas beaucoup les États-Unis, mais New York c'est à part. New York c'est une ville internationale. Ouais. Le jazz. Ouais. Moi quand j'étais à New York, il y a 30 ans, j'étais tous les soirs dans une boîte de jazz. On y retournait à 4-5 ans. Souvent c'était des sous-sols. Hein. Oui, mais on y retournait à 4-5 ans. C'est terminé. Hein. Il y en a plus tant que ça. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Il n'y a plus que le Birdland et que le rez-de-chaussée. Ils ont presque tout disparu, oui. Mais moi, j'y avais été il y a beaucoup plus longtemps, alors là, fin du 20e siècle, et là, c'était j'avais... autre chose. Ah bah, oui. Si tu étais une langue. Une langue, pas morte, hein, une langue vivante. Enfin, une langue, oui. Une langue. Bah, je vais dire, je vais répondre un peu comme un con, mais je vais te dire exactement, je crois que Barbara avait répondu ça, bah, le français, parce que c'est la seule langue que je maîtrise, et encore. Ouais. Donc, je peux pas, c'est la seule que je connais un peu. Elle avait répondu ça, Barbara, parce qu'un mec lui disait « Vous faites de la chanson française !» Alors Barbara, elle avait dit « Non, je fais de la chanson, mais j'écris en français, parce que c'est la seule chose que je sais écrire, et encore, mais c'est ce que j'écris le moins mal. » Donc ma réponse est « La grande Barbara. Français. » Si tu étais une époque. Alors ça, ouais, c'est une question piège. Une question piège. Mais si, c'est vrai, parce que c'était une époque, on dit « Ah, j'aurais bien aimé, j'en sais rien, parce que je n'y étais pas. » Donc finalement, je suis pas si mal que ça dans mon époque. Hein. Alors ton époque. J'ai pas le choix. Oui. D'abord, j'ai pas le choix. Je cours, comme ça depuis toujours, sur les routes dans ma chambre. J'ai chaud même en plein décembre. Il n'y a plus de carburant sur mon compte courant. Et les ajours qui courent, tout ça, moi, ça me court. Je cours, je cours, je nargue les vautours. Ils peuvent courir, j'ai des ailes, je vais me refaire un ciel. Dieu court après moi, mais je ne marche pas. Toujours les mêmes discours, il y en a marre au secours. Oui, je cours, vers de plus belles amours. Le cœur toujours en alerte, même si je cours à ma perte. Je cours retrouver tous ces enragés. Et quand les flics accourent pour la chasse à court, je cours dans les rues, les carrefours. Je cours plus vite que mon ombre. Je cours vers un nouveau monde. Je cours. Je cours comme un fou. Tant pis si du coup. Demain sur le parcours, je suis pris de court. Je cours, jusqu'à la fin des jours. Je cours, je cours. Et justement, moi je te réponds par une allégorie. Combien de fois ça m'est arrivé dans mon cabaret des jeunes mecs qui viennent me voir qui disent « Putain, vous aviez 20 ans dans les années 60 et tout ça, qu'est-ce que j'aurais aimé ?» J'aurais connu Boris Vian, mais je vais vous rigoler. Quand on tournait le bouton de la radio, on entendait Gloria Lasso, André Dassari, Luis Mariano. grand bien leur face, je dis, mais on n'entendait ni Brassens, ni même Brel. Parce que les gens sont naïfs, tu vois. Quand on connaît pas, on Oui, les mecs aussi, quand ils disent, j'aurais aimé vivre à Montmartre, plutôt en 1900, j'aurais rencontré Van Gogh, Gauguin, et je dis, bah, sûrement pas, vous n'aurez rien rencontré du tout. Ouais. Si vous auriez rencontré un peintre à la con, un peintre pompier, qui est oublié aujourd'hui, ouais. Oui, voilà ma réponse. Donc aujourd'hui, c'est pas si mal, il y a des défauts, mais alors... Si tu étais un mot... Alors non, je finis comme d'abord. Demain. Alors aujourd'hui, mais plutôt demain. Demain. En faisant tout pour que demain soit mieux. Que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Non, il va pas être facile, mais il faut y croire. On y travaille. Bah sinon c'est pas la peine. Non, c'est ça. On se flingue tout de suite, bah oui. On y travaille à chaque jour. Bah oui, sinon on se flingue. Hein. Oui. Si tu étais un mot. Hein? Un mot. Ah merde, j'ai jamais pensé à ça, tiens. Alors oui, il y a tout un snobisme actuellement des mots, tu sais, des nouveaux mots. Ouais, il faut pas que je cherche par snobisme. Tu sais, les mecs, ils mettent des mots par MC Solar, tu sais, ils mettent des mots obsolètes, tu sais, des mots qu'on n'employait pas avant. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça fait original, ils font beaucoup ça, les rappeurs et tout ça. Juste un mot. Mais un mot, ça sonne bien, mot. Mot, maman, mot, amour, mot. On garde mot. Ça se met en bouche. Ouais, c'est comme ça, c'est le bébé quand il naît, il dit mou. C'est vrai. Si tu étais un aliment. Ah oh merde. J'espère avoir pas de la merde. C'est pas un aliment. Quoique beaucoup en mangent dans des fast-foods. J'ai jamais pensé à cette question. Parce que si j'étais un aliment, ben, les aliments que j'ai, mais si j'étais un aliment. Là, tu me bouches un peu. J'ai pas de réponse. La seule réponse que j'aurais, c'est une réponse à blague, comme disait un copain. Tu disais, en ce moment, en France, pas qu'en France, mais tu sais, justement, tous les trucs avec l'islam et tout ça, les gens disent, ah, la viande halal, est-ce qu'il faut manger halal, tu sais, ou pas. Et mon copain, il avait répondu, il y a surtout la moitié de la terre des gens qui bouffent pas. Alors, vous savez, halal ou pas, ben ouais. On n'en a pas grand-chose à foutre. Bon, je te réponds pas. Un peu par une boutade, mais un aliment. Bah, effectivement. Un aliment qui permet de vivre, hein, de survivre. Oui. Si tu étais une saison. Bah, c'est-à-dire la saison qu'on aime. C'est sur le printemps, parce que justement, ça va vers le nouveau. Mais on aime bien toutes les saisons. Hein. Mais le printemps, c'est la plus. Ben, comme on a dit, qui se projette dans le futur, le printemps. Voilà. Oui. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Un machin, un truc, oui. Parce que je suis bavard. Ma langue. La langue. Qu'est-ce que je deviendrais si on coupait la langue? Ça serait difficile. Ah oui. En tout cas, l'écriture serait constante. Mais ça aide. Quoi. Oui, ça aide, effectivement. Si tu étais un moment de la journée. La réponse, c'est un peu con. Moi, je suis pas beaucoup du matin. Mais enfin, c'est quand même le matin. Là, tu vois, on s'est retrouvés assez tard. Oui. Enfin, tout à l'heure, je me suis levé. Je me suis couché ici. Hein. Je me suis couché vers minuit et demi, une heure. On est parti là. Mais j'ai failli dormir dans le quartier, d'ailleurs. Okay. Mais je vais être franc avec toi. Peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas, mais... Tout m'intéresse. Oui, mais je veux dire, il fallait que je rentre à la maison. Parce que je vais te passer mes offres complètes, je vais te passer mes disques. Oh, et je ne les avais pas hier soir. Voilà. Mais t'en feras ce que tu voudras. Ben, je vais les diffuser, voyons. Tu vas les écouter. Ben oui. Alors, si tu étais un moment de la journée, c'est le matin? Ben, c'est un peu comme l'histoire du printemps, quoi. C'est quand même, on va vers quelque chose. Hein? Alors, une autre réponse qui peut être... Pour chanter, justement. Moi, tu sais que pendant longtemps, j'ai jamais chanté dans la journée. Ben, je veux dire, en public. Oui, mais qui sait, il y a dimanche après-midi, un festival, il y a un truc. Moi, pour chanter, il faut que j'ai... C'est le soir, dans la nuit. Ah ouais, c'est comme le jazz. Ouais, t'es dans... Au concert, il faut une enveloppe. Voilà, mais qui veut dire, tu veux faire un concert samedi soir ou dimanche après-midi? Non, samedi soir. Ouais. Tu vois, dimanche après-midi. Mais j'ai envie de pris goût. Avant, je ne le faisais jamais. Et finalement, donc, c'est une réponse un peu... Donc, je pense que... Mais comment tu te prépares pour faire un spectacle l'après-midi? Ben, c'est ça, c'est moins facile que le soir. Parce que le soir, t'as toute la journée que t'as mûri, tu t'es entraîné un peu, tout ça. Alors que... Nous, maintenant, ils font des matinées à 17h. Hein. Mais quand même, je m'y suis fait, mais au début, j'étais pas tellement emballé. Quoi, hein. Mais comment tu fais ton approche quand tu chantes à 17h au lieu de 21h? Est-ce que tu es... Ben, c'est surtout que, je veux voir personne, quoi. OK, c'est ça. Et tu as un tracker? Un tracker? As-tu peur de monter sur... Ah, moi, j'ai beaucoup de trac, oui. J'ai toujours le trac. Et justement, les gens me disent, oh, toi qui as... J'ai quand même certains bagou. Les mecs, ils me disent, mais non. Et surtout, ce que j'ai appris, parce que justement, en chantant dans un cabaret qui avait 50 ou 60 places, ça, c'est comme ça qu'avait appris justement Barbara et tous ces gens-là, ouais, quelque chose qui ne se fait plus pratiquement. Les mecs disent, oh, demain soir, j'ai un concert, on amène nos enceintes, tout ça, il y a 2000 personnes. Ça, tu vois, ouais. Moi, 200, mais des fois, j'ai même chanté devant 20 ou 30 personnes. Bah, je veux dire, tu apprends énormément. Ouais. Parce que là, tu as beaucoup plus le trac pour 40 que pour 400 ou 4000. Plus il y a de monde, moins tu as le trac. Ouais. Le trac, c'est des problèmes techniques. C'est que le mec dit, oh, la sono ne marche pas bien, on n'entend pas, on ne comprend pas bien les... C'est bien de au moins quand tu vas voir un concert de chansons, entendre des paroles. Ah ben ça c'est le défaut actuel. Mais ça paraît pas, mais c'est quand même très important. Ben oui, mais c'est difficile, c'est parce que c'est vrai que c'est pas facile de régler le son quand tu dépasses certaines cotes, les mecs ils y arrivent plus, quoi. Donc, alors si souvent, tu as toi qui du métier, t'as déjà vu des mecs faire les balances. Ouais. Un peu plus de basse, là, pour moi. Oui. Tu sais, c'est la bataille des égaux. Exactement. Moi, je voudrais quand même... Parce que tout le monde veut être entendu, hein, ça. Ouais. Et à la fin, ça fait un grand bordel. Exactement. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? Oui. Ah, bah ça, c'est une bonne question, oui. On veut toujours être un autre, bah oui. Ah, si j'étais... Ah, si j'étais... Il y a une chanson qui dit « Moi, si j'étais un homme, je serais... » Oui, ben, je la connais bien. Diane Tell, je la connais. Ouais. Oui. Je ne l'ai pas rencontré personnellement trop, mais j'ai eu l'occasion de la voir. Oui. Diane, oui, si j'étais un homme, c'est à ça que je pensais. Oui, bah. Un autre individu. Non, ce que je peux simplement te dire, c'est que je te disais tout le temps, je ne veux pas être connu, tout ça. D'ailleurs, j'ai une chanson qui est très marrante, tu l'écouteras, qui s'appelle « Je ne veux pas finir au Panthéon ». Ok. Je ne veux pas finir. Ben, je l'ai entendu sur Internet. Oui. Ouais. Je ne veux pas finir au Panthéon. Et souvent, quand je finis mon concert, je dis aux gens, j'ai horreur des rappels, par exemple. Ça, les rappels, c'est insupportable. Pourquoi? Bon, parce que c'est un truc bidon, quoi. Parce que, en fait, les rappels, c'est bien. Une autre. Il y a deux réponses. Mais là, pour se faire détester, il y en a une, surtout. Je dis aux gens, mais je le raconte. Moi, tu sais, je suis comme ça, je suis comme avec toi. Alors, je vais sur scène, puis j'ai dit aux gens, une autre. Non, je dis, écoutez, je ne sais pas bien faire les rappels. Je dis, il y a souvent des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas de rappel? Alors si tu veux te faire détester, tu dis parce que Brel ne fait pas de rappel. Alors là, toute la salle, ouh, je prends pour Brel, tout ça, tu te fais. Du coup, il t'aime moins. Là. Alors je le dis en rigolant, mais je dis, ah non, je ne vais pas vous dire ça. Mais par contre, Pierre Desproges, qui était marrant. Oui. Et alors, Pierre Desproges. Il est mort très jeune, malheureusement. Mais remarque, des fois, il faut mieux mourir jeune. Oui, en pleine gloire qu'en pleine merde. Aujourd'hui, je dis peut-être, mais les mecs, aujourd'hui, ce serait peut-être des vrais cons. C'est comme Arthur Rimbaud, Gérard Philippe, oui. James Dean, je ne sais pas quoi, les mecs. Oh, c'est des dieux, parce qu'ils sont... C'est Guy Bedos qui l'a fait découvrir au public. Oui, ouais. Oui. Ouais, des proches, complètement. Des proches. Alors, Pierre Desproges, il disait... oui, des proches. Mais... Alors, il disait, pareil, les gens, il avait raconté une blague, les gens étaient contents. Une autre. Et là, c'est l'idée. Quand le plombier vient chez vous, il répare la fuite, vous ne dites pas une autre. Ouais, ciao. Non, mais ça, c'était une réponse drôle. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et moi, je finis les trucs, quand il dit, je ne veux pas finir au Panthéon, donc je raconte que finalement, ce qui est vrai, voilà ce que je dis, que moi, ce que je veux. Donc, c'est un peu la réponse, si vous voulez être quelqu'un d'autre, mais je raconte, j'aurais bien voulu être traîné, mais je ne suis pas, je suis moi, puis c'est Marc, comme disait Jouyet. Bah écoutez, excusez-moi du peu, je ne suis que moi. Hein, bon. Alors tu ne veux pas être personne d'autre que toi-même? Pas vraiment, non, okay. Je pense. Mais non, la réponse qui est drôle, c'est... merde, ça m'est sorti de la tête, mais c'est la même histoire, je ne veux pas être... Oui, je ne veux pas être personne d'autre, mais attends... Ah oui, donc quand je finis mon concert, je dis, je ne veux pas finir au Panthéon. Et dans la chanson, c'est ce que je dis que finalement... si j'étais au Panthéon, moi, je suis pas. Je n'y irai jamais. Je suis pas un grand homme. Mais Brassens n'ira jamais. Du Félix Leclerc n'ira jamais. Enfin, plein de. Je connais plein de gens que j'adore. Ils finiront jamais au Panthéon. Et tant, ce que je dis, moi, tant mieux pour eux. Tant mieux. Par contre, je finis la chanson comme ça en disant je pense à tous ceux qui nous ont fait tant de bien. Ils n'iront jamais. Tant mieux pour eux. Je rêve aussi que dans 1000 ans, quelques gentils fredonnent encore cette chanson. Tu sais, aujourd'hui, on fredonne encore des chansons. On ne sait même pas de quelles sont les chansons qu'on descend. Ça, c'est une ambition. Sur les saumons qui déboussolent, sur les abeilles devenues folles, sur les poulets décapités, sur les farines animales, pour les poissons qui les avalent, sur les baleines suicidées, je crie. radiées et les centrales fissurées. Sur la banquise qui se disloque, je crie ton nom. Sur les arbres décimés, sur les forêts dévastées, sur le désert qui avance, je crie ton nom. Sur les nuages de défoliants et sur les gaz d'échappement, les tonnes d'acide déversées, je crie ton nom. Sur les manips et les clones blancs, les brevets sur les vivants, les trafics d'organes, je crie ton nom. Sur le démembrement des terres, sur les surplus alimentaires, sur les famines, le quart monde, je crie ton nom. Barbarie. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Gagné. Un Auvergnat passant par là, un autre rentrant à Murat, un architecte de renom, plus un décorateur mignon, 10 entreprises assemblées, des plâtriers et des plombiers, tout ce qu'il faut pour faire un monde, venu de 10 lieues à la ronde, ont effectué quelques travaux, tout déductibles des impôts, sur la limonade. Le patron était trop gros, où l'on pouvait voir les cafards en procession dans les coins noirs, où du plafond l'enduit tombait directement dans le dubonnet. Quand les verres n'étaient pas trop sales, c'était les tables qui étaient bancales. C'est bien fini, on parle plus, ces façons-là ne se font plus dans la limonade. Vernis et banquettes en cuir de Russie, un personnel très comme il faut, gilet anglais un peu vieillot. La clientèle très distinguée vient maintenant prendre le thé dans cet endroit chic où l'on cause de tout, de rien et d'autre chose, tout en buvant quelques sodas, whisky gin ou du coca. Y'a pas la limonade. Passant par là, un jour bientôt transformera à son tour cet établissement en nouveau lieu des plus charmants, où des robots vous serviront après introduction d'un jeton, des rafraîchissements synthétiques et des boissons cybernétiques. Tout se consomme, tout se détruit, tout se console et tout s'oublie dans la limonade. Ben, j'aurais pas complètement perdu mon temps si dans 150 ans il y a un mec qui chante une connerie de moi, il sait même pas qui je suis, mais qui chante un truc. C'est une petite ambition. Hein, mais... C'est vrai. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ah ben ça on peut pas faire, ouais. Hein. On n'en sait rien. Hein. Ben disons, en gros, le chemin c'est pas ça, c'est que je suis plutôt jeune et que le temps passe et que ma foi, il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Mais ça, donc je me dis, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Comme la chanson, je n'aurai pas le temps. Et tout, voilà, c'est ça. Hein. C'est le reste, bah oui, je me dis, merde, je vais peut-être pas avoir le temps. Alors surtout maintenant, comme tu dis, ça s'est amplifié. Parce que par exemple, moi, il y a encore 40 ans ou 30 ans, souvent quand j'ai commencé à chanter, des fois, les mecs, ils m'engageaient pour chanter dans un festival, venir chanter trois chansons, ils te prévenaient 4 mois avant. Maintenant, c'est 4 ans avant, tu vois. Ouais, ouais, mais qu'attendez, en 2022, est-ce que vous seriez libre? Ça, c'est... Mais les billets sont en vente pour un chanteur, là, 2 ans. Oui, oui. Et s'il n'y a pas assez de... D'ailleurs, s'il n'y a pas assez de... De vente. De pré-vente, de trucs, de pré-achat. À un moment, ils disent, ah ben, il est malade ou il est... Ah, ouais. Ils annulent. Ah, ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Ah, ouais, c'est faut remplir le zénith, donc... C'est fou. Ah, ouais, mais c'est délirant. Ah, ouais, c'est... Il y a eu ça avec Sheila, avec plusieurs. Ils ont dit, ah merde, à un moment, 3 mois avant, ils se sont dit, merde, non. On n'est même pas à moitié plein. Ben, ils ont dit elle a mal à la gorge, je sais pas quoi, elle pourra pas chanter. Non, mais c'est difficile pour l'artiste aussi. Bah oui, c'est vrai. Il en prend un coup dans la gueule. Regarde, c'est bien ce qui se passait, moi, quand je pense que tu avais tous ces artistes que j'ai découverts, moi, gamin, adolescent, en vraie grandeur, hein. Brassens, Becco, Brel, tout ça. Mais on allait les écouter à l'Olympia ou à Bobino, mais bon, il y avait 1000 places, ou maximum 1500 à l'Olympia, même pas 1000 à Bobino, mais tout le monde était content. Les mecs, ils restaient un mois ou deux, ça finissait par faire 30 000 par mois, 60 000 en deux mois, mais il n'y avait pas de salle de 30 places. Ouais. Tu vois, parce que la pression est trop forte, là. Et comme tu dis, la pression étant forte, je pense que ça nuit à la qualité de la création. De toute façon, même si les mecs sont des génies, enfin des bons, je pense qu'il y a des bons. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bons. C'est vrai, effectivement. Mais les conditions ne sont peut-être pas les bonnes. C'est ce que dit Brecht, tu sais Brecht. C'est ça, c'est la chanson engagée, un peu Marcy. Mais les conditions, ça compte les conditions. Si vous ne pas se tromper, par exemple, Brassens, si ça marchait, c'est parce que c'était après-guerre. Les Français, Vian, Brassens, c'est la même époque avec Prévert, les années 50. Les gens sortaient de la guerre, Hiroshima, tout le bordel, l'Allemagne rasée, le machin, la France aussi, toutes les villes. Les gens disaient, mais je plus jamais ça. D'ailleurs, ça, on voit que non, mais. Voilà la vieille. Mais là, ça a donné un terreau favorable à un Prévert, à un Brassens, qui aurait sûrement eu plus de mal à imposer son discours aujourd'hui, ou même avant, en 1935, quoi. Ouais. Parce que ils étaient là au bon moment. Ben oui, l'antimilitarisme était de bon aloi, de disant plus jamais ça. Et ouais, puis comme il y avait les guerres coloniales, tout ça, donc le public avait marre de la guerre et tout ça, donc toute cette genèse des années 50-60 était mûre pour cette création-là, je pense. Sinon, c'est pas comme ça. Il aurait fait peut-être aussi bien que ce qu'il a fait, mais il serait resté moins connu, c'est tout. C'est ça. Ouais. Comment ça se passe, le succès? Moi, je veux dire, tu sais que je m'en fous un peu. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je sais qu'il y a des gens que ça plaît. Si ça plaît à 1000 personnes, ça plaît à 10 000 personnes, ça plaît à 100 personnes, l'important, c'est que ça fonctionne. Le seul regret, c'est mon carnet de commandes. C'est pas, même pas pour le fric. Je suis pas riche, je suis pauvre, je te dis tout de suite. Mais moi, c'est un peu spécial. Bah, c'est pareil, moi, je me suis construit ma maison moi-même, comme je te dis, on a bricolé. J'ai une maison, tous les jours, j'ai des cons à des agences qui viennent. Je vous l'achète 1 million tout de suite. Je dis non, mais je suis pas à vendre, allez, je vais mourir là, foutez-moi la paix. Ouais, c'est un autre monde, quoi. Et donc, moi, c'est ce qui me préoccupe, c'est ça, c'est que je me dis merde. Il y a 15 jours, j'étais chanté à Poitiers. Là, je vais chanter, j'ai un concert, je ne sais plus quand, mais j'en ai pas. Mais c'est ça, je voulais. Mais pas beaucoup. J'ai mais conçu. Je voulais en venir à cette question-là. As-tu beaucoup de projets? Avant de terminer, as-tu beaucoup de projets? As-tu beaucoup de. Ben, les projets, j'en ai, mais pas assez. De... Ben, c'est une histoire qu'il faut s'y prendre vachement d'avance. Alors, les projets aujourd'hui, il y a ce bouquin qui va sortir. C'est un peu comme la faille à mon échelle, c'est important. J'ai mon bouquin qui va sortir. Je peux quand même refaire des disques. J'ai des tas d'enregistrements que j'ai jamais. Parce que justement, comme on les vend plus, tu vois, quand je vais chanter en province, je vais chanter dans les salles de 100 places, de 150 places, j'ai mes disques. Hein. Pourquoi en faire des nouveaux? Puisque ces gens-là, c'est pour eux. Alors, il n'y a que mes fans à Paris, eux, ils les ont tous, ils me disent, non, je ne les achète plus. Bah oui, mais quand je vais chanter ailleurs, c'est bon, ça fait l'affaire. Alors, c'est un peu con, parce que les gens m'ont dit, faut quand même. Dans la boîte, moi, je ne fais plus de disques en studio. Hein. J'en ai fait un. Maintenant, je ne fais que des enregistrements publics. Non, ça coûte quand même moins cher. Et puis, je suis quand même, moi, voix piano. Des fois, j'ai eu quelques musiciens, mais en général, c'est voix piano. Même voix, à capella. Ou tapant sur des machins, ou voix piano. Donc, moi, je suis vraiment ce qu'on appelle showman comme ça. C'est meilleur en public. Hein. D'ailleurs. Marcel Amont, c'est ça qu'il me disait, lui. Oui. Il préfère la captation. Moi, je trouve, les chanteurs. Moi, les chanteurs comme ça, voix piano, il y en a beaucoup, ils sont. Même Romain Didier, il est plutôt. Ça, il y a beaucoup de disques en public aussi. À quoi ça sert? Tu es chanteur pianiste, s'il y a une bonne prise de son et que tu as la salle. Il y a l'ambiance aussi qui était intéressante. Oui, l'ambiance, les gens qui aiment les rires un peu et tout. À quoi ça sert d'aller dans un studio, de faire chier, tout quoi, d'être comme ça au garde à vous? Ouais. Alors, si, l'intérêt du studio, c'est si tu as les musiciens. Il y a des violons, des trompettes, des machins. Mais moi, je ne fais plus. Ça. Mon fils, on en a fait un avec mon fils. Il faudrait que je le réédite. Il est épuisé. En 2000, on avait fait un disque avec 4-5 musiciens. Voilà. Et puis ça m'a guéri parce que ça coûte du pognon. Alors finalement tu t'aperçois que bon, c'est pareil si t'es pas sponsorisé, si t'as pas un producteur, un truc, si tu perds beaucoup d'argent. Tu perds de l'argent, c'est tout. Ouais. Moi j'ai pas les moyens de perdre de l'argent, je veux. Comme tout le monde. Ouais. Oui, non, j'en ai pas les moyens. Ouais. Si j'avais hérité d'un riche. Donc moi on se maintient, ça a toujours été comme ça, c'est bien. Je gagne pas d'argent, mais j'en perds pas. Donc on survit. Avant de se quitter, Marc, on peut se souhaiter de la santé, surtout. Ben ça, de toute façon, je vais te dire, c'est clair. Hein. Si on n'a pas ça, on arrête tout de suite. Hein. Moi, je te dis pas l'âge que j'ai, mais tu t'en doutes, je suis pas tout jeune. Et je suis parmi les plus vieux. Hein, je suis un peu plus vieux que la faille, un peu plus vieux. Deux, trois ans de plus. Ça te demande, ils ont toujours les 70. Mais peu importe, c'est pas important. Non, mais ils ont toujours les 77 ans. Ouais. Moi, je vais bientôt avoir 80 balais à la fin de l'année, tu vois. Mais ça se voit pas. Hein. Non. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Comment? Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Non, c'est la maladie qui me fait peur. Ça, on l'a trop vu. En ce moment, écoute, encore un gag pour finir. Oui, ouais, ben on va finir. Les enterrements, il y en a tout le temps, une vieux, une fois par mois, c'est l'âge, évidemment. Quand t'as passé, comme disait l'autre, si t'as pas mal quelque part, passé 70 ans, c'est que t'es mort. Ouais, donc, évidemment, tous les mois, oh merde, encore un autre, ah ben un autre. Alors, avec ma femme, on se partage le boulot. Ok. Faut que tu la vois, ma femme, parce qu'elle est marrante. Oui, hein. oui, l'année elle prochaine, est très sympa, oui, ok. Et lui, des fois, on dit merde, il y a celui-là. On t'y va ou j'y vais? Tu vois, ouais. La philosophie c'est ça. Moi ce qui me fait peur c'est surtout le cancer. Ouais. Ça, parce que c'est, on a beau dire, c'est quand même dur le cancer. Quoi. Ça se traîne tout le temps, ça va, ça revient. Il y a d'autres maladies chiantes, mais c'est quand même celle-là la plus chiante. Alors on se souhaite longue vie. Ben oui. Ben écoute, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Oui, ben moi aussi. Et puis on va te diffuser et j'irai merci. Voir ta femme l'année prochaine. Oui, oui. Avec grand plaisir. Tu viens en général à la même époque? Même période, fin juin jusqu'à le deuxième vendredi du mois de juillet. Bon, toi, c'est important à savoir parce qu'on organise des trucs, on peut même mais faire un truc. Mais on se tient au courant, puis oui. Je vais aller voir ta salle. Oui. Toi, tu es de 15 juin. Non, pas du tout, je suis arrivé avant-hier. Oui, enfin tu viens 8 ou 10 jours, oui. Plutôt fin juin. 9 jours, oui. 9 jours, entre le 20 et le 1er juillet, ou par là. Fin juin, début juillet, voilà. Il y a un garçon qui vient tous les ans, mais lui, il vient, je dis un garçon parce qu'il est, tu dois le connaître, lui, il vient tous les ans, mais lui, il vient en décembre, je le comprends parce qu'il vient, c'est Patrick Buzz. Ah ben oui. Jean Bombeur. Oui, oui. Tous les ans. En décembre, oui. Lui, il vient en décembre, je lui ai dit là-bas, c'est invivable. Alors, il quitte Saint-Pierre-et-Miquelon et il vient avec sa copine, avec sa compagne. Il vient tous les ans, il est pas. Entre le 1er et le 15 décembre, il est là. Ah, ben c'est bien, avant Noël. Ah oui. Il se fait un cadeau de Noël. Ah ben, il fait des belles photos. Hein. Oui, il a fait une très belle photo là sur. Ah oui, ah oui c'est... je l'ai mis parce qu'elle est très belle. Attends, ah, mais j'ai vu, tu avais fait une pochette de disque avec. La photo de l'album de Love on the Beat de Gainsbourg. Oui, oui, oui, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un mec qui est non, non, mais c'est toi. Producteur, oui, non, c'est non, mais moi, c'est toi oui. Qu'on voit tout ça. Oui, oui, oui, c'est drôle, oui, oui. Mais les mains, c'est les mains de l'album Love on the Beat, mettons. Oui, oui, oui, oui. Il y a Mec Nana Mec, je tourne la chanson là. Ah, c'est mec, super. Rapport Mec Nana. Ouais, c'est super. Et une chanson que j'ai fait sur Gainsbourg. Mon vieux Gainsbourg, des profondis. Ah là là là, c'était très bien. Que Gainsbourg des profondis, since you gone, total eclipse. Toi l'alcoolo en jean Levis, la Hall Eden, la cure gratis. Ici bas, bas et supplice, si Sex and Son et bénéfice. Paradis, le temps glisse, fais-tu la fête avec Boris? Au bar du Styx, ou bien est-ce avec Miles Davis? Trompette bouchée dans la coulisse du black trombone ou sa Davis. Ta tête de chou, la vlaque glisse sous l'échafaud de toutes les ficelles de l'art mineur, des saucissons, des rengaines à 3 francs 6 sous le showbiz et ses caprices. Tu t'es couché dans tous ces vices, visant le nombril comme Narcisse. L'artiste maudit cherche l'esquisse d'un blues jouiche couleur métisse. sexy symbole, heureuse Ulysse d'une Pénélope griselidis. Ta tête de chou lave la qui glisse sous l'échafaud de toutes les ficelles de l'art mineur, des saucissons, des rengaines à trois francs sous le showbiz et ses caprices. Tu t'es couché dans tous ces vices. Ton légionnaire, Bel Adonis, cherche querelle au bar du Ritz. Gros minois, ramina, gros bis, muscles huilés, boulons et vis. Rouge lipstick, mousse et pelvis, fume ton Havane partout à tif. Mon vieux 15 pour des profondis, total éclipse et vieille canaille. Salut l'artiste, ton art mineur, on en veut bis. Mon vieux 15 pour des profondis, total éclipse et vieille canaille. Salut l'artiste, ton art mineur, on en veut bis. Mon vieux 15 pour des profondis, total éclipse et vieille canaille. Salut l'artiste, ton art mineur. C'est pas pareil. Les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, ou nana sans mec, juste un rapport comme ça, nana, nana, est pas pareil. Les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, ou nana sans mec, juste un rapport comme ça, nana, nana, ma nana se mac avec un mec assez beau mec, et plutôt mac, elle se mac avec un autre mec, à quel micmac. Elle a mis son mac de mec avec son nouveau mec, ensemble elle craque, ils ont le même signe du zodiaque, c'est pas pareil. Les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, ou nana sans mec, juste un rapport comme ça, nana, nana, c'est pas pareil. Les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, avec les mecs, tout aussi mec et les nanas. Nana, nana, ma nana se mac avec un mec unique, ce mec chez elle se mac dans son hamac avec son mec, il a pas le trac. Du tac au tac et sans complexe, sa nana se mac avec une ex-nana de son mec, un vrai micmac. Avec son mec, tout aussi mec, et mec, nana. Et son autre mec, lui surtout mec, et sa nana, elle, nana, nana, elle sort avec la nana du mec, et mec, nana, une ex-nana du mec, beau mec, lui surtout mec, et sa nana, elle, nana, nana, ma nana se braque avec son mec pour faire un break avec son mec, s'éclate à berque avec ce mec, à tête à claque. Vrai cul-de-sac avec ce mec, il boit cul-sec, gin et cognac, tu sors avec, c'est toi qui rack, c'est pas pareil. Les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, ou nana sans mec, juste un rapport comme ça, nana, nana, et pas pareil. Les rapports mec, nana mec, ou mec, nana mec, ou nana mec, nana mec, ou nana mec, nana, ma nana se mac avec un mec assez beau mec, elle se mac avec un autre mec, nana, elle met son mac de mec avec son mec à mec, nana mec, et la nana de son mec à mec, nana, c'est pas pareil. Non, les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, ou nana sans mec, juste un rapport comme ça, nana, nana, et pas pareil. Dans les rapports mec, nana mec, ou mec, nana, nana, nana, nana, nana. Je n'aime pas l'amour comme dans les chansons où on entend miauler sans fin. Je t'aime à longueur de refrain, rien que toi, mon amour, et pour toujours. Je n'aime pas l'amour comme dans ces chansons. On entend toujours quémander, dis-moi pourquoi tu m'as quitté. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Amour que l'on achète au poids, besoin de toi, j'ai faim de toi. Je suis en manque de toi, je me suis shooté à toi. Je n'aime pas l'amour comme dans les chansons où il y a toujours des reviens. Amour exclusif, assassin, rien que moi, ton amour, et pour toujours. Je n'aime pas l'amour comme dans ces chansons. Je n'aime pas ces gens qui doutent de rien, ces amours coûte que coûte, où on compte les coups, les coups de cœur et les coups de rein. Je n'aime pas l'amour comme dans ces chansons, ces brames de minets impudiques, ces cris de brailleuses hystériques. Loin de ces amours nombriliques, on rêve enfin. Dans un murmure, le mot je t'aime, ça fait le plus beau des poèmes. Finalement, je le dis quand même, je t'aime. Alors, tu vois, merde, les Facebook proches. Plus de lumière là-dedans. Oui, je vais te laisser hein, parce que je vois que t'es pressé. Oh non, ma mère. Merde, comment ça se fait que ça baisse le niveau lumineux? Non, mais peut-être que les piles sont faibles. Non, je suis là, j'ai 83%, mais ah. C'est de temps en temps que la luminosité elle se borde. Bon, enfin, tu vas le voir, voilà. Ouais, mais on voit rien. Attends, il faut que je remette de la luminosité. Est-ce que c'est sur Internet? Oui, oui, tu le verras. Ok. Mais la luminosité, attends, il faut que je la trouve paramètre. Oui, allez, paramètre. C'est chiant, hein. Pourquoi ça arrive qu'elle se borde comme ça, affichage? Oui, luminosité, pouf! Ben oui, ça bouffe beaucoup. Oui, oui, effectivement, oui. Voilà, mais je voulais te le montrer parce que Patrick Gauze, donc il vient tous les ans du 1er au 15 décembre. C'est comme toi, c'est normal, c'est une organisation de c'est ça. Du temps. Ah oui, oui, c'est... Et ça se prépare au moins 6 mois d'avance. Il m'a fait cette photo, qui est très belle, mais c'est un peu sombre. Ah oui, ah je l'ai vue, bah oui. Elle est belle. Super photo, effectivement. Et au Forum Léo Ferré, ma brie. Ah oui. Bah, c'est vrai que c'est chouette. C'est super. J'avais acheté cette chemise, je l'avais commandée pour une fête, la chemise là avec le drapeau, en Chine. Ah oui. C'est un scandale, bah, tu en achètes ça à 3 balles par internet. Ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas beau. Hein. Non. Non. Non, mais là, c'est pas beau, c'est parce qu'ils font travailler des esclaves. C'est malheureusement. Ça. Est-ce que tu m'autorises à prendre des photos ensemble? Oui. Ok. Bien oui, sûr. Excellent. Si tu veux. Et je te tiens au courant lors de la diffusion. Je te tiens au courant aussi, je vais t'envoyer notre enregistrement. Oui, et oui, je vais oui. te l'envoyer dans le cadre de mon émission parce que c'est deux choses différentes. Comment s'appelle ton émission? Errance rénaldienne. Ah, c'est joli. C'est d'improvisation surréaliste. Et la base, le plancher, c'est nos rencontres parisiennes. Ah ben oui. Donc, ça dure 2 heures. Bien, et je fais aussi une émission très loin dans le nord du Nord, près du Groenland. J'ai 2 émissions qui sont diffusées là, à Tête à la baleine. Il Y a 100 auditeurs, il y a 100 citoyens. C'est des pêcheurs. Ils n'ont pas la télévision, ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent la radio. Donc, ils écoutent la radio. Et voilà, alors on va te... Oui, parce que les gens, ils n'écoutent plus la radio. Ben, non, parce qu'il y a trop de... Télé. Eh ben, malheureusement, malheureusement. Reste là, je vais prendre... Ah oui, ça, c'est la télévision au-dessus de tout, hein. Voilà. Ben, tu me dis... Ah oui, on va... J'obéis à ce que tu me dis. Oh, ben, merci peu. Voyons. T'obéis, hein? Oh! Au doigt, il y en a 3 photos, non? Salut! Merci! Merci, c'est moi. Alors, que j'oublie pas de te filer mes trucs. Alors, c'est pas d'une qualité formidable, enfin, il y en a qui s'écoutent. Non, parce que c'est les enregistrements publics. Ah oui, c'est bien, c'est ça que je dis. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien, mais ils sont écoutables, ils sont diffusables. Hein. Bon, oui, genre, oui, ils passent sur les radios. Ah si, parce que tu sais, maintenant, c'est pareil. Quand on voit des photos, oui. Les mecs, ah non, mais la définition... Ah, les pixels, ben oui. Ah oui, c'est de la merde, ça. Mais c'est un peu de la connerie, parce qu'il y en a qui sont trop flous, mais il y en a... Alors, le moindre journal à la con, le mec te répond « Ah, mais je ne peux pas publier votre photo parce que je n'ai que... Il faut autant de kilos, là, vous n'avez pas... » Oh, c'est preuve la photo de machin. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il me répond « Vous n'avez pas assez de kilos. » Ah ouais. Oh, et c'est un peu n'importe quoi. Effectivement. Et pareil, alors pour les disques, les mecs, ils te répondent « Il n'y a pas assez de dB, tout ça, mais maintenant, tu les règles. » Tu les règles dans la cabine, hein. Oui. Les disques sont un peu faibles, tu mets plus de niveau. Tu mets de la basse ou tu Je vais pas m'emmerder à compresser trop parce que c'est pas beau. Non. Moi justement j'avais un ingé son, un mec qui me disait, je vais dans son studio, c'est lui qui enregistre en public, mais il me dit toujours, tous les disques en ce moment les mecs ils foutent à fond. C'est vrai. Et il me disait, j'ai mon fils qui a offert un disque à sa grand-mère, son autre grand-mère, je sais pas quoi. il lui achète le... Non, elle, la grand-mère, elle lui achète le Boléro de Ravel. C'est une blague, mais c'est vrai sûrement. Et alors ça commence. Ah oui, bien. Elle lui dit, mais Elina, c'est ton disque, mémé. C'est con, oui. C'est con, mais c'est vrai. Oui, ouais, mais le ça, pire, c'est que c'est ça. Oui, mais ça, c'est le manque de culture, hein, souvent. Faut que ça fasse tout le temps. Waouh, ouais, ouais, exactement. Mais qui, mais on entend rien. Il faut faire sauter les enceintes acoustiques. Oui. Ils sont tous sourds après les vêtements. Ah oui, oui, mais aujourd'hui, c'est ça, les enfants ne comprennent plus rien. Hein. C'est dans tous les sens du terme. Alors voilà, bah, écoute, celui-là, c'est le dernier. Ah ouais, super. Tout, j'ai enregistré celui-là, il a de 3 ans, de 3 ans, tout va fonctionner. Ça, c'est à 3 ans, cet album-là? Oui, je crois, 3 ans et demi. C'est le plus récent. Bah, tu sais, maintenant, on n'en fait que tous les 3 ans ou quoi. Avant, on n'en fait pas tous les ans, hein. même les stars. Hein. Tu fais 20 titres. Hein? Ah, c'est pas mal, 20 titres. Ah ben moi, je fais toujours beaucoup de titres. Parce que justement, c'est 2 minutes et demie, ouais. Donc toi, 2 minutes 30, 2 minutes 20, 2 minutes 30. Puis ça coûte pas plus cher. Ah non. Pourquoi faire des disques? Alors, mais ils sont radins. Ça, alors, si, comme ils font en studio, avec des putains des arrangements, ben, ça coûte cher. Donc là, on fait un truc 10 titres ou 12 titres. Mais moi, ça me coûte pas plus cher. Alors, on balance. J'ai un jeune son qui est là, il prend les. Il en prend, j'en ai bien plus que ça. D'ailleurs, souvent, j'en choisis 20 parce que mais j'en ai 30, mais j'en mets que 20. Celui-là, il y en avait 31. Celui-là, c'est celui d'avant, il doit être daté. Celui-là, il a une dizaine d'années, au moins 12 ans. Ben, ben. Oui. C'est intéressant. Ouais. Il y a aussi les introuvables. Donc, tu as mis des vieilles chansons qui étaient difficiles à. Oui, ça c'est. Oui et non. Par exemple, ce que j'ai voulu dire, c'est que ça, c'était inédit. C'était okay. À l'époque, c'était inédit, mais ouais. Je crois qu'il est sorti. Je vais te dire, alors, les repères des années, c'est là. Mais j'ai ton site internet aussi là, qui me dit. Oui, mais les repères, c'est là. Ok, oui. Ah oui, ok. Le chiffre ici, là? Comment? Le chiffre ici? Oui, par exemple, là, ouais. Ça doit être 2015. Ouais. Okay. Il y a 0-1-15. Ok. 2015. Ah oui, ok, je comprends. Et là, c'est 2007. C'est okay. Quand on commence à faire. Mais sur le site internet, c'est bien indiqué. Voilà. Donc, alors ça, c'est le seul disque qui a été enregistré en studio pour le moment que j'ai. Mais j'en ai un autre, mais je l'ai pas réédité. Ok. Mais je trouve que c'est plus froid, tu verras. C'est pas. Ça, évidemment, ça arrive. Alors moi, j'ai des programmeurs de radio, justement. Et pourtant, des radios dites marginales, tu sais, comme Radio Libertaire. Ouais, oui. Ben, le mec, quand je ramène mes disques, c'est bizarre, hein. Et donc, il y a quand même un problème audiogénique. Les mecs, ils disent « Ah, j'ai écouté ton disque là en public, c'est vachement bien. » Mais finalement, je prends la chanson qui est en studio, là. C'est con. Ça dépend, c'est con, mais ça dépend à qui tu penses. Ouais, effectivement. Les gens, aussi le genre d'émission que les gens, ils écoutent ça dans leur cuisine, ou dans les bagnoles, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même une écoute, embouteillage. Écoute flottante. Donc, si évasive. Ouais, moi je dis écoute flottante. Flottante, oui. Moi, si c'est pas... Hein? Donc, si c'est bien calibré, le mec il n'entend pas. Mais les mecs ils me disaient, t'as des enregistrements publics, des fois, tu dis au mec, évidemment, il faut peut-être pas l'écouter sur le périphérique parce qu'à un moment ça fait ouais! Et le mec il va faire un accident. Tu perds un peu là. Ouais, c'est dangereux. Il y a des différences de décibels. Oui, c'est ça, il y a une modification. On n'y crête pas tout comme ça. Exactement, il y a une modification. Alors, ouais. ça c'est en public aussi, mais c'est pas très bien enregistré. C'est le plus vieux celui-là. Il a, je sais pas. Oh, c'est pas inaudible. Hein. Non, c'est surtout qu'il y a. C'est enregistré, c'est curieux. C'est enregistré en studio. C'est pareil, je vais dire la date. Tiens, tu vois, tu regardes toujours là, tu vois. Merde, c'est facile, tu vois, t'as le zéro, je sais pas quoi. Là, par exemple, 2002, quand même. Ça, c'est 2002, plus, ok. Ouais, quand t'as un 02 après, c'est 2002, voilà. Ok, je comprends. Le 2002, 2007, 2015, et le dernier, c'est 2015. Ok, oui, je comprends. Et alors... Merci ta générosité. Mais non. Ben oui, ça sera diffusé avec grande joie. Ben, tu l'écoutes. À travers notre rencontre et ben, même... Oui, mais tu l'écoutes et puis si ça te plaît, tu vois, c'est tout. Ça permet de... D'avoir une idée. Ben, ouais. Je trouve que sur Internet, ça brise un peu. Je préfère l'album physique. Oui, moi aussi. Ouais. Parce que sur Internet, YouTube, là, ça... Ah oui. Mais les vidéos, moi, je suis très... comme dirait l'autre, je m'aime pas trop. Je vais faire à la Souchon. Je m'aime pas en photo. Oui. Je m'aime en vidéo. Parce que comme je bouge beaucoup, tu vois, eh ben, les vidéos, t'en as regardé, elles sont dynamiques. Hein. Ouais. Parce que le chanteur, ça apporte rien. T'as une vidéo, puis le mec, il est là avec son micro. Mais moi, t'as vu, je bouge. Même quand je m'accompagne. Oui, c'est même quand on parle. Ouais, c'est... Donc, les vidéos sont assez plaisantes. Moi, ouais. Je sais que les gens, ils aiment. Mais j'en ai jamais vendu, hein. Ça se vend pas, ça sert à rien. Tu fais une vidéo, t'en vends 10 et puis qui s'est caché de ça. Moi écoute, on m'en a donné, même justement, j'en ai une de Joyer avec Miravette qu'on m'avait donné son, le mec qui faisait les vidéos, là, Eric Nadeau, il me passe une vidéo de Joyer, je l'ai regardé une fois, je ne la regarderai jamais deux. Je vais le voir en vrai, mais je. Tu te fais chier, t'es chez toi, puis tu regardes la vidéo de mon mec, quand il est mort peut-être. Mais... Marc, encore merci mais c'est moi. De ta générosité, mais... surtout d'avoir pu venir aujourd'hui. C'est super sympathique. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est super. Là, merci. Merci. Donc, tu repars bientôt, là, lundi quand même. Lundi. Tu t'occupes pas mal. Ouais, mais là, j'ai 4 rencontres encore aujourd'hui. Donc, oui. Excuse-moi de t'avoir retardé. Non. Sans indiscrétion, qui c'est que tu vois? Non, mais... Là, je vais voir... C'est secret. Ah non, pas du tout. T'as vu la chanson? J'ai fait une chanson qui s'appelle Secret. Non, je la connais pas. Ah ben, faut que tu la regardes aussi, que tu l'écoutes. Oui. C'est un jour, j'arrivais dans la ville de... chez madame de... Tu vois, c'est que des... Et alors, qu'est-ce que tu vas voir? Ok, ben, je vais fermer le micro. Oui, okay, oui. Merci. Ah oui, je n'oublierai jamais l'instant secret du soir où j'arrivais dans la ville de où j'étais attendu en un lieu discret chez madame de le maire et le préfet de y étaient ainsi que la veuve du célèbre le trésorier du allié de fête et financier occulte de secret. De l'affaire au maire et à qui vous savez, il devait rencontrer pour négocier les 2 francs prévus pour le maire de Brisson, les fonds du gérant pour les biens de la veuve, les terrains revendus au bas et pour monsieur de le seul en relation avec le cerveau lui absent dont j'ignorais le nom. Ça va, vous suivez? Seul enfin avec madame de là je lui pris la main. Écoutez, je le puis, dit-elle, et puis méfiez-vous de monsieur de moi tout ému, je caressais son et ses elle agrippa mon en criant et moi ravi je sans fin. Je n'oublierai jamais cette nuit-là, l'instant où monsieur de entra. Jamais je n'oublierai comment la clé de toute l'affaire me fut livrée et que j'appris comme ça, cette nuit-là, de la bouche même de madame de révéler fortuitement, par égarement, le nom du cerveau, le grand dont le pseudonyme pour les intimes n'était autre que Sacre. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.